Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Non, pardon, je suis trop tôt. Mbappé le but. Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort en foot. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Alors, on essuie un terrible retard de Gilsey, mais heureusement, un imitateur professionnel prendra sa place le temps d'eux pour que ce soit imperceptible pour nos amis. C'est une IA, auditeurs. C'est une intelligence artificielle qui va reproduire sa voix à l'identique. À l'identique. Non, mais on le dit parce que voilà, après les gens ils disent oh, c'est un peu bizarre. Non, on le dit, mais vous verrez, c'est invisible. Notre premier invité, il fait passer le code à tous les rappeurs, mais il n'est pas moniteur d'auto-école. Ah, oh, gifle-moi, Mehdi. Présentateur du Mousecast, il est un peu le Laurent Boyer du hip-hop, on peut dire ça comme ça. C'est Mehdi Maizi. Oh oui. Merci beaucoup. Incroyable. Quelle belle présentation. Très heureux d'être de retour ici, je tiens à le dire. C'est vrai, c'est ton troisième Floodcast. Est-ce que ce sera ton retour du roi? Ou est-ce que ce sera ton retour vers le futur 3? Je préférais que ce soit mon Indiana Jones et la dernière croisade. Oh là là, le meilleur. Évidemment. On est bien d'accord. Et le 4 n'existe pas. Hélas. Après s'être fait connaître en faisant de nombreuses caméras cachées sur YouTube, on le voit régulièrement mettre sa vie en danger en faisant des distances de plus en plus grandes en vélo, en escaladant le Mont Blanc ou récemment en traversant la Laponie en motoneige. Il est l'enfant de Johnny Knoxville et de Jean-Yves Lafesse. C'est Gilsey. Hey, bonjour, merci. Ça va, Gilsey? Ouais, super. C'est la première fois que tu viens nous voir? C'est la première fois, je suis super content. Tu vas nous faire une petite cascade là? Hop là! Putain, j'ai hâte. Comédienne et autrice, on l'a vu sur internet et au cinéma. Elle joue au théâtre dans la pièce Un chalet à Stade de et avec Josiane Balasco, en tournée dans toute la France. Absolument, et à l'étranger. Oh là là, la Suisse, j'imagine. La Suisse et la Belgique. Oui. Oh là là. Est-ce qu'en Suisse, ils vont rire ou ils vont dire oui? Bon, ah, bah, ils vont pas. Non, parce que j'en parlerai après, mais non, je pense qu'ils vont pas du tout rigoler. Ah oui? Bah non, on se fout de leur gueule. Ah oui, c'est ça. Ah là là. Oh, ils ont beaucoup d'humour. Ils peuvent avoir d'humour sur eux-mêmes. C'est connu pour ça d'ailleurs, la Suisse. Pas. Alors qu'aujourd'hui, on parle du scandale dans les EHPAD, elle a été précurseur en étant la première à maltraiter les deux vieux de scène de ménage. C'est Justine Le Potier. Oui. Bravo. Bravo. C'est un très beau portrait. Bravo, merci. Bravo. Non mais merci Gilsey. Non, bon, t'aimes bien quand je fais des petites présentations? Je suis timide. Mais oui, vous êtes top. Alors que dans les vidéos très Ouais, je suis extraverti dans les vidéos, mais là je suis timide. Je suis en retard, en plus je m'en veux. Il est une fleur rare qui nous abreuve par son amour. Nous en priver c'est nous tuer, donc n'abrège pas notre compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuel. Il a du mal à s'évader car ses grands frères ont pris du ferme. C'est Adrien Méniel. Merci. Comme à l'accoutumée, on commence par les news du Floodcast. Il se passe des choses incroyables dans le monde. Un Indien, par exemple, a battu un record du monde. À votre avis, lequel? Encore du monde, évidemment, fou. Un Indien, un Apache ou un Indien d'Inde? Un Indien d'Inde. Très bien. Et pas un Indien dans la ville. Non plus. On va faire cette blague à chaque fois qu'on dit un Indien. À chaque mais fois. Mais ça me plaît. Je te rappelle qu'il a escaladé la Tour Eiffel. C'est vrai. Mimi Siku. Wakatapé. Baboon. Baboon. Wakatapé. Patrick Timsit. Absolument. Qui gifle un gosse pendant tout le film. Je vous invite à re-regarder Un Indien dans la ville. Comme Patrice Lafont avec Passepartout. Voilà, on a redécouvert ça récemment. François Bayrou. Ouais, avec un enfant. Qui fait des enfants. Un enfant. Je me fais pas les poches. Voilà. Bah, il avait la voix de Gilsey un peu. Oui, il avait ma voix sur lui. Donc là, l'Indien a battu un record alors, du est-ce monde. Est-ce que ça a un rapport avec de la nourriture? Non. Non. Est-ce que tout. C'est un nombre de jours sans faire quelque chose? Non, mais c'est un nombre d'heures en faisant quelque chose. Voilà, petit indice. Se il a fait la planche. Du sport? Non, pas du une sport. Une activité physique? Non. Ah non. Ah, pas dire, record de Oh, Adrien. Oh. J'ai rien dit, c'est Flo. Moi j'ai dit ce et. Il me semble que c'est Gilsey qui a dit ça. C'est le seul que je vais toi. Comme quoi, très timide, mais quand même. Donc pas nourriture. Non mais voilà, je vous donne un petit indice. Il a arrêté de respirer pendant. Non, il n'a pas. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pendant des heures. Il ne s'est pas empêché de faire. Il a parlé. Non. Il a chanté. Non-stop. Dansé. Mais non, c'est pas physique. Tu dis. C'est pas physique. Bah c'est pas physique. Non, c'est pas. Est-ce que non, moi je pourrais pas le faire. Bah tu pourrais le faire, mais beaucoup moins longtemps. Ah. C'est un. Donc mais c'est pas. Vous pourriez tous le faire autour de la table, mais beaucoup moins longtemps. Un rapport c'est-à-dire sexuel. Que lui, déjà, qu'est-ce que t'en sais déjà? Bah, ouais, c'est un peu... bah vous verrez. Bon, on va voir ce que c'est, mais de toute façon après on le fera et on verra. Ça sera très simple. Mais je si c'est que... faire la coupole par exemple, je pense que je peux le faire aussi. Ouais, en tant que boss du hip-hop. Bah, bien sûr. Alors, je maîtrise tous les arts, tout le grave, tout. Ah ouais. Tous les, ouais. Tous les piliers du hip-hop je... me soutiennent en fait. C'est un retraité de 70 ans, voilà, petit indice que je vous donne. Bah, c'est, bon. C'est un acte du quotidien dans son qu'on fait tous. Non. Non. Pendant des heures. Pendant des heures et des heures. C'est marrant. Non, je peux vous. Merci. Gilles est fan d'Adrien. On s'adore. Il ça a fait avec le dentier ou un truc comme ça par rapport à son âge. Non, c'est... pas par rapport à son âge. Mais ça va pas. Son âge a été un avantage? Pas du tout. Non, il a genre fait un ça truc. Pourrait avoir peur des escalators pendant 8 heures, par exemple. parler à une boulangère. Il l'a fait pendant une heure. Voilà, je vous dis pas quoi, mais il l'a fait pendant une heure. Et vous pourriez ne le faire que quelques secondes. Voilà, pas beaucoup. Donc, une heure, et encore une fois, beaucoup, ce n'est pas faire la moindre. Et c'est pas physique. Bah, c'est pas. Non, c'est pas un exercice physique. C'est pas un truc qui implique la musculature. Non, pas du tout. Mais c'est quand même. Tu utilises ton corps pour le faire. Oui, tu utilises ton corps. On peut être très con. Je pense même qu'il l'est pour l'avoir fait. Mais après, est-ce que ça implique la voix? Pas la voix, mais. Ça la bouche? Non, une partie du visage. Le nez? Non. Les oreilles? Les yeux? Non, les yeux. Voilà, c'est les yeux. Les yeux. Il a mis des bâtons dans ses yeux. Ah, pardon. Alors, il a pas cligné des yeux pendant une heure, mais en faisant une activité. Si c'est juste pas cligné. Regarder la télé? Non. Courir? Non. Sous l'eau? Non. Oh, c'est fou, ça. Ah, pas mal. Ouais. Bah, pendant une heure sous l'eau, il est fort. il peut avoir une bouteille d'oxygène. Et... mais en fait, vous avez aussi battu le record d'apnée. Oh putain, bah oui, mais oui. Oh la vache. Oh, la vache. Non, mais regardez, c'est l'un ou l'autre. Bah, je prends les yeux. Il a regardé un truc regardable. Bah, c'est ça. Et ce n'est pas TPMP. On dénonce. Ah, il a regardé un truc à la télé. Non, pas à la télé du coup. Non, un truc irregardable. En tout cas, un porno. Non, ça c'est très regardable. Le soleil. Le soleil, il a regardé le soleil pendant une heure, exactement. L'homme identifié sous le nom de MMS Verma. Il a perdu la vie. Il va pas bien Oui. Pardon. Et ce dernier a déclaré qu'il s'entraînait depuis 25 ans après avoir été inspiré par un gourou, donc il l'a pas fait. Ça sort pas du trou du cul d'un âne, hein. Il a fait ça vraiment. Il s'est vraiment beaucoup entraîné. Alors il a vraiment les yeux très plissé, hein, vous êtes sûr que vous regardez? Oui. Il est vraiment assis un peu comme un coiffeur, ouais. Ok. Et il a sa petite écharpe. Il a les yeux totalement fermés. Non, il a d'immenses cils avec qu'il a épaissi pendant. Il a des casquettes. Non, mais voilà, il a eu son petit record du monde. Il s'entraîne depuis 25 ans. Il s'entraîne depuis 25 ans, depuis une rencontre avec un gourou qui lui a inspiré cette. Qui s'est foutu de sa gueule, apparemment. Incroyable. Il lui a dit t'as dessiné, c'est de regarder le soleil pendant une heure. Ok. Mais pour le moment, non, il n'a pas perdu la vue. Mais bon, qui sait, peut-être. Donc, à minima, des petites taches, je pense. Je pense qu'il y a un truc où. Alors, vous l'avez sûrement vu, la mi-temps du Super Bowl. Oui. Dimanche dernier, non. Avec Dr. Dre. Ah, tu n'as pas regardé? J'ai vu des images, des gens qui étaient incroyables. Ouais, c'était. Bon. Ah, oh, tu vois. Alors, ah non. Oh! Toi, t'es pas pour ressortir les vieilles stars? Si, c'est agréable. Mais en fait, je pense que c'est plus la nostalgie qu'à parler que le show qui était cool. Ouais. Mais qui était pas. Je pense qu'on a vu mieux en vrai récemment au Super Bowl. Mais comme on est beaucoup de trentenaires qui sont nostalgiques de notre adolescence, tout le monde était c'est incroyable de voir Dr. Dre. Et c'était cool. Ouais. Mais c'était pas incroyable, je trouve. La scénographie, le Super Bowl a vu des choses plus folles. Fait, c'était symbolique. Je pense que le symbole était cool. Ils ont ramené un peu la Californie, le hip-hop. Il y avait leur historique, mais j'ai pas trouvé le show si fou que ça. Et Snoop Dogg était en playback ou je suis complètement fou? Non, je crois pas. Enfin, ah ouais, ça serait chaud, mais je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Non, mais est-ce qu'il y a eu du playback dans. Je me souviens quand Bruno Mars l'avait fait avec les Red Hot Chili Peppers. Oui, et les Red Hot Chili Peppers avaient justement fait n'importe quoi avec les instruments pour montrer que c'était du playback. Ah ouais? Et le batteur tapait dans tout. le guitariste, il jouait pas quoi. Il faisait des saltos arrière avec la guitare. Et il prêt, enfin pour dénoncer, tu vois. Oh là là. Ouais, en prenant quand même des millions, hein, les mecs. Et ben justement, peut-être le savez-vous, les artistes, donc Dre, Eminem, Snoop Dogg, ont transgressé deux interdictions que leur avait spécifiquement demandé la NFL. Est-ce que vous savez lesquelles? Oui, je crois. Une, oui. Fais la première si tu connais les deux. Non, mais Justine, elle a dit oui avant moi. Non, mais j'en connais qu'un. Ah bah vas-y, vas-y. Ils ont mis un genou à terre. Alors c'est Eminem. Oui, il a mis un genou à terre. Eminem a mis en soutien. En hommage soutien à Colin Kaepernick. Exactement. J'imagine. Mais oui, c'est ça. En tout cas, contre les violences policières et le racisme en règle générale aux États-Unis. Alors ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment j'aime bien que la NFL ait fait non. Et qui du coup c'est quand même très facile à transgresser une interdiction. Je suis Eminem et puis mettre un genou c'est un peu facile sans que vous me l'interdisiez. Mais il y a autre chose. Alors, je sais pas si c'est ça, Mais en tout cas, je sais que Eminem voulait montrer ses testicules pendant le show. Ah non, je l'ai pas noté ça. Non, mais c'est vrai, c'est Dr. Dre qui aurait dit non. C'est un truc que j'ai vu sur Twitter, donc source, bon. Ouais, mais c'est un truc à tourner. Alors, c'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais comme réponse. Parce attends, que... on peut essayer de deviner. Vous pouvez essayer de deviner, évidemment. Est-ce que ça a rapport avec la weed? Non. Il y en a un qui a fumé un gros joint. Non. Oui, si. Il paraît que. Un gros joint. Il paraît que Snoop a fumé de la weed juste avant. Ah, mais juste avant, oui. Mais après, en même temps, c'est vraiment pas du tout une info. Ouais, c'est genre. Tu savais que Snoop a fumé de la weed? Oui, bah j'imagine. C'est un déglingo, Snoop. Ils ont réussi à capturer pile le moment où ils fumaient de la weed, une étoile filante quoi. Est-ce que oui, c'est un rapport avec ils ont montré un petit bout de leur corps qu'ils n'avaient pas le droit de montrer. Non, il n'y a rien ça. Eu comme ça. Non, parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait du coup. Est-ce que c'est quelque chose d'aussi comment dire militant ou pas du tout? C'est un peu militant. Parce que putain, c'est militant. Au mot employé, une censure sur des mots qu'ils ont finalement dit. Exactement. Pas le N-word. Alors c'est pas le N-word. Mais c'est pas des paroles pas de chansons. C'est pas le S-word non plus. Ils ont pas dit c'est fact. Pas c'est les paroles de chansons. Un truc anti-Trump ou un. Alors c'est pas anti-Trump, mais c'est anti-police. Police. Bah oui. C'est dans Still Dre. Still hating police. C'est ça. C'est still fucking with the beat. Ouais. Still not loving police. Still not loving police. Et not loving en plus il est. Oui, c'est assez. c'est très pas amoureux. C'est presque mignon. Ouais, je suis pas amoureux de la police. Un morceau écrit par. Est-ce que vous avez l'info? Jay-Z. Jay-Z a écrit Still Dre, les paroles, fou, les passages de Dre et de Snoop. Mais je savais pas. Voilà. On en apprend tous les jours. Il doit être riche. Je pense qu'il doit être riche. Ouais, un peu Jay-Z, je pense. Ouais. Je pense qu'il a acheté. C'est un peu comme Zazie avec Allumer le feu, tu vois. T'as dit Zazie parce que Jay-Z? Non, Jay-Zazie peut être un très bon. Jay-Zazie, malheureusement, le titre de cet épisode, on n'aura pas d'autre choix. Jay-Zazie. Un octogénaire a pu être sauvé d'une prise d'otage. Octogénaire, t'as dit? Un octogénaire, donc pas un super centenaire, parce qu'on a découvert récemment avec Adrien qu'il y avait des super centenaires. C'est quoi super centenaire? C'est des arbres. Des centenaires, mais super apparemment. Non, mais qui ont plus de 100 ans, et en fait, il y a un nom. Moi, je crois que c'était centenaire. Non, c'est super centenaire. Non, mais je crois que c'est super centenaire, bizarre. C'est genre. Je pense qu'ils sont encore. C'est les doyens de l'humanité, ils sont bien. Et qu'ils sont encore vivants et tout, qu'ils sont pas genre dans un lit, parce que bon. Oui. Je suis centenaire, mais bon, je suis sous respirateur artificiel et je bouge plus. Oui, bon, un peu facile. Trop là, facile. Il y a les super centenaires qui sont encore actifs. Je pense que c'est ça le. Okay. J'irai vérifier tout à l'heure parce que finalement, on n'a jamais vérifié la vraie définition. Finalement, t'es en train de débattre comme ça. J'invente. C'est ma spécialité. Rassure-moi, c'est basé sur rien. Écoute, j'ai la réponse. Quand j'ai raison, c'est. Oui, non, vas-y. Un super centenaire est une personne ayant atteint ou dépassé l'âge de 110 ans. Ah, donc pas un âge que seulement un centenaire sur 1000. Atteint ou dépasse. Donc c'est vraiment très rare. Et je propose qu'on réadapte pour la définition de. Oui, parce que. Qui est beaucoup plus intéressante. Ça veut dire que quand tu atteins 100 ans, t'as une chance sur 1000 de caner avant. Dans les 10 ans. Ouais. Bah non, t'as 999 chances sur 1000 de caner. T'as une chance sur 1000 de survivre. Il y en a peu, quoi. J'ai fait un bac S, ouais. Mais qui te va très bien. Donc oui, l'octogénaire a pu être sauvé d'une prise d'otage, à votre avis, grâce à quoi? Et alors, attends, grâce à quoi? En rapport avec son âge? Alors, pas. Non, ça va vous mettre une fausse piste. Bon, est-ce que genre il lâchait des caisses et un truc comme ça? Pardon. Non, mais pardon, fais pas le choquer, genre. Jay-Z, je suis désolé, c'est la première fois que tu viens. Tu as dit Jay-Z ou Jay-Z? Jay-Z. Non, mais pas de problème. Non, parce qu'il y a Jay-Z aussi autour de la table. Je pète tout le temps dans ma vidéo, donc. C'est vrai qu'il pète énormément. Je sais. Oui. Ça va encore changer, putain. non, là, c'est l'octogénaire, ça va pas vous aider, il a pas lâché de caisse. Ah bah je. Donc ça n'a rien à voir avec son âge. J'ai plus rien. Il parlait beaucoup. L'octogénaire? Non, je sais pas, ça peut être ça. Ah non, il parlait tout le temps. Il a réussi fait, à dégage. Se faufiler parce qu'il était très mince ou tu vois très souple. Non. Ah, est-ce non. Que c'est s'est... une octogénaire d'ailleurs, je vous le dis. Ah, c'est une octogénaire. Mais est-ce qu'elle s'est. Elle a réussi à s'enfuir, à déjouer l'attention de ses captifs? Ou alors. C'est pas ça. C'est captif. Ravisseur, c'est ouais, ravisseur. Ouais, voilà. Quelqu'un l'a aidé. Ou alors ils ont dit bon allez on te libère. Et elle a été relou, libérée. T'es relou la vieille. Elle a été libérée ou elle s'est enfuie, c'est ça ma non, question. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Bon. Je vais te dire, son entourage a remarqué qu'elle faisait, elle ne faisait plus quelque chose. Et donc du coup ils ont dit oula il y a un souci d'habitude. Envoyer des messages WhatsApp genre, avec non. Des emojis. Aller à sa fenêtre et regarder les passants et genre mal parler sur eux. Non et cracher. Un rapport avec ce que font les vieux. Ce que font les vieux au final. Aller très tôt devant un supermarché et attendre que ça ouvre. Non. Un rapport avec Internet. Un petit rapport. Elle était connectée. Elle était sur Twitch. Elle ne twitchait pas, mais elle était connectée. Elle était en live non. Sur un réseau social quelconque. Pas un réseau social. pas un réseau social, mais c'est lié elle au téléphone. Elle était en FaceTime avec sa petite une appli de rencontre. Non, une appli FaceTime, mais il y a des ravisseurs qui l'ont fait. C'est lié à une appli sur une appli spécifique sur le téléphone. Une appli spécifique un sur truc le téléphone. De pas vieux. Une appli de rencontre. Pas. Alors, un, pour moi, un peu un truc de vieux. Facebook mais... Non. WhatsApp? Non. Mais ça dépasse WhatsApp, les vieux. WhatsApp, c'est un truc de vieux? Ça y est. Non. Ça y est, Justine. Enfin, je crois pas. Enfin, peut-être. En fait. De vieux et de rappeur. C'est enfin, vrai. Moi qui suis jeune, genre j'ai WhatsApp. Non, franchement, j'utilise beaucoup WhatsApp. De rappeur, WhatsApp Rocky, je le. Oui, pas mal. T'as vu la news, c'est ça? Non. C'est le mec d'Oasis. Ouais. Le mec d'Oasis. Qui pensait que ASAP Rocky s'appelait WhatsApp Ricky. Ah, mais c'est vieux ça. Ah ouais, je l'ai vu. Ah ouais, si, je me souviens de ça, ça a quelques années. Peut-on faire plus déconnecté du monde? Ah, c'est WhatsApp, on dirait ma mère en fait. Oui, bah c'est ça. C'est WhatsApp Ricky. Parce que ma mère, elle a pas la. Qui va être papa, on lui félicitations à ASAP Rocky. ASAP Rocky, bien sûr. Avec un enfant avec Rihanna. Avec Bad Gardini. Je crois que c'était la mère de Florent qu'elle est. Papa, oui, papa. Moi aussi. C'est peut-être, mais... peut-être. Alors attends, elle a fait un truc. Donc une app qui, pour toi, est un truc de vieux. Un oui, peu. Mais en fait, ça dépasse ça parce que ça a beaucoup de succès. Que chez les jeunes, les moins jeunes. Voilà. TikTok. Alors pas TikTok. C'est pas du tout un Snap, truc de vieux. Un truc de vieux. Sur Snap. Pas sur Snap. Bon, enfin, il n'y en a pas. Mais non, voilà. Mais pas. Mais un jeu. C'est un jeu. C'est, une... Là, c'est un jeu. C'est un jeu. Candy Crush. Non. Word with Friends. C'est quoi Wordle? Cool. Ouais, le truc de Wordle là. Ouais, c'est pas ça. Alors, c'est pas... Ah, c'est pas Wordle? C'est Wordle, Wordle tout okay. Bonnement. Alors, moi je connaissais pas Wordle, c'est vous dire. Bah, Wordle quand temps, on rentre sur la piste. Ouais! Elle est bien! Rapporté par la chaîne CBS, l'histoire de Denise Holt fait froid dans le dos, 15h22, hein, une heure de retard pour Chelsea. C'est octogénaire résident à l'île Colwood. Je suis en jet ski. C'est une motoneige, Chelsea, t'as oublié, je crois. Bah là maintenant, il y a la scène. Je fais une vidéo. Un village de la banlieue de Chicago aux États-Unis affirme avoir été attaqué par un homme qui s'est introduit chez elle en la menaçant avec une paire de ciseaux. Pendant 17 longues heures, Denise Holt vit un cauchemar. Selon elle, son agresseur s'est introduit nu et couvert de sang chez elle, donc une ambiance. Sympa. Il ne serait. Il y a de quoi arrêter de jouer à Wordle. Je il se serait blessé en entrant de force dans la maison en brisant la fenêtre. Donc un peu drôle, genre. Oh, je me suis fait mal. Il a mis un coup de poing, j'imagine. Oui, mais pourquoi nu? Enfin bon, bref. Le crack. C'est un début de sketch golden. Ouais. Franchement, il y a un truc là. C'est vraiment chelou, quoi. Ouais, bah, ça va être encore moins le mec à poil. Assurant ne vouloir lui faire aucun mal, il force toutefois l'octogénaire à prendre une douche et un bain habillé en sa compagnie. Avant de la séquestrer dans une salle de bain située au sous-sol. On peut considérer que c'est du mal. Oui, on connaît pas son éducation, mais oui. Il déconnecte également le téléphone de Denise et prend deux couteaux dans la cuisine, affirmant qu'il aime bien cela avant de se balader dans la maison armée de ceux-ci. Ce que tu fais quand tu veux faire de mal à personne, personne. Tu déconnectes le téléphone, tu prends un couteau. Ouais, c'est... deux couteaux. Oui, deux en disant, je les aime bien. Mais il peut peut-être jongler. C'est effectivement quelqu'un de chalon dans la rue qui fait un peu de bolasse. Après des heures de calvaire, Denise Holt s'en sort sans blessure physique grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Et en fait, pourquoi les forces de l'ordre l'ont découvert? Elle n'avait tout simplement pas envoyé à sa fille ses résultats du jeu Wordle, une habitude ludique que les deux femmes ont en commun depuis longtemps. Mmh. Cette absence de l'américaine sur le jeu de mots a suscité l'inquiétude de sa fille. Elle a appelé, pas de téléphone, ma voix est partie, c'est Jilcy. elle l'a appelé et ça n'a pas répondu, j'imagine, bah, dans j'imagine. Un premier temps. Cette absence de l'américaine sur le jeu de mots a suscité l'inquiétude de sa fille aînée, résidant à des kilomètres de la maison familiale. Cette dernière décide de prévenir les autorités locales. La police est cependant restée plusieurs heures sans pouvoir intervenir durant cette prise d'otage. Il a fallu attendre les SWAT pour libérer Denise. C'est vraiment un sketch golden. C'est vraiment un sketch golden. Et à la fin, la terre explose et Jules Fou hurle. Ah oui, c'est vraiment c'est un sketch golden. Est-ce que vous êtes un peu addict à une application, à un jeu, à un... Moi, j'ai jamais été jeu sur le téléphone. Moi non plus. Ouais. Autant je joue à la PlayStation. Et tout, oui, mais voilà. Pas, ouais, je joue, j'ai pas de jeu. Mais ouais, j'ai mais pas de jeu. Après, je suis téléphone. Addict comme tout le monde aux réseaux sociaux, à la connerie, quoi. Ouais. Mais j'ai pas de jeu. Toi, t'as des jeux sur ton téléphone? Non, j'ai eu pendant une période et j'ai tout arrêté. T'avais quoi comme jeu? J'avais, alors, ça s'appelait Bumble, je sais pas trop quoi, ce petit bonhomme qui saute. Doodle Jump. Doodle Jump. Ah, à l'époque, si j'avais Temple Run. Ah oui, bien sûr. Ça m'a tué un peu, ça m'a bousillé un moment. Oui, oui, moi aussi. J'avais le jeu Spider-Man aussi. Ouais, c'est ça. Le jeu Spider-Man, c'était un peu Temple Run, mais avec Spider-Man. J'avais ça aussi. Il y avait un bug sur Temple Run. Ah oui. En fait, j'étais en compétition avec mon meilleur ami. Ah oui. Ça m'intéresse. Et mon meilleur ami est genre vraiment un sportif, et c'est un mec qui adore gagner. Et moi, je suis pas trop là-dedans. Non. Tu vois. Mais là, ce jour-là, je me dis, je sais que je suis bon à Temple Run. Et en plus, si en face, le gars, moi, j'ai un peu ça aussi. Et genre, dans la compétition. Moi, j'ai envie d'y entrer, du coup, ça c'est pour l'humilier. Moi, mais... c'est oui, c'est ça. C'est ouais. Ça. Et donc, je tapais des records. Si, des records. Si, si. Oui, ne sois pas, t'as pas besoin d'humilité. À chaque fois, une heure après, il me sortait un record supérieur. Et en fait, Temple Run, t'avais juste à laisser. Tu posais le. Tu laissais le jeu, tu laissais l'iPad ou le téléphone. Ouais. En fait, il fallait juste pas prendre le premier virage. Et le gars, en fait, continue était sur une ligne droite. Ah ouais, tout le long. Et du coup, tu zappatais, t'as juste à laisser le truc tourner toute la nuit. Et c'était un bug Temple Run. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. J'en parle là, ouais, une manière d'exorciser mais ce trauma. Mais parce que c'était il y a 10 ans. Voilà, ouais, aujourd'hui, tu peux en parler. Voilà, je peux en parler. Et ça m'a fait du mal parce que c'est la première fois que je me suis dit, bon, là, je vais pas perdre. Et j'ai perdu. Bah oui, bien et sûr. Il a triché. Quelle ordure. Voilà. Pardon, hein, je le connais pas, mais ouais, non, c'est déjà une ordure. Bien sûr. Adrien ? Moi, je suis pas addict à des jeux, mais je joue, je joue régulièrement. Ça, tu joues pas à MPG, toi, par exemple ? Non. Ouais, moi, qu'est MPG ? MPG, c'est mon petit gazon. Mon petit gazon, et c'est du fantasy soccer. Ouais. En fait, c'est tu joues avec des amis, tu crées une ligue, et en fait, tu composes une équipe avec. Bon, tu choisis. Là, nous, on joue en Ligue 1, par exemple. Et tu composes nous, une parce équipe. Que tu joues avec tes bros, par exemple. Oui, tu crées une ligue en fait. D'accord. Avec des amis. Je savais que c'était avec des amis, je pensais que c'était toi qui créais la ligue. Et en fait, il y a un mercato, donc tu fais des enchères sur des joueurs réels, et tu te composes une équipe avec des joueurs de toutes les équipes de Ligue 1 possibles. Ouais. Et ensuite, les résultats de ton équipe dépendent des vrais résultats des joueurs dans la vraie vie. Ah mais oui, donc, mais je crois que tu en avais parlé. Oui, oui. Ouais, donc ouais. Si t'as Mbappé dans ton équipe et qu'il a mis 3 buts la veille, t'as 3 buts de Mbappé. Et en plus, il y a d'autres règles du genre si ton joueur a une très bonne note, il peut marquer des buts MPG, c'est-à-dire. Mais est-ce que c'est comme un truc de pari en ligne où genre par exemple Mbappé, vu qu'il est très bon de base, tu fais moins de points parce qu'il y a moins de risques. Non, c'est dur de l'avoir. Un but est un but. Mais du coup, tout le monde le veut. Tout le monde le veut et tout le monde en chérit sur. Bah, c'est dur de l'avoir. Sauf si. Tu vois, des fois tu fais des coups, genre tout le monde se dit, bon, ça sert à rien que j'en chérisse sur Mbappé parce que tout le monde va le vouloir. Et en fait, tout le monde se dit ça sauf un gars, et du coup, le mec il a Mbappé pas cher. Bah, c'est comme ça que le PSG l'a eu, je crois. Je connais pas grand chose en foot, hein, je sais pas si. Non, mais donc du coup, il y a toute la phase où tu essaies de choper des bons joueurs et tout, donc qui est déjà assez cool. Et après, tu fais ta composition d'équipe, t'as jusqu'au vendredi soir pour le faire. Enfin voilà, moi j'aime bien jouer, j'y connais pas grand chose en foot, mais on peut quand même y jouer juste en se basant sur les stats qui sont à disposition. Et par contre, t'es un fou de stats, par exemple. Je suis un fou de stats, par contre, j'ai fait ES, hein, donc j'ai pas fait S, j'ai fait ES. Putain, et moi j'ai fait L, mais dis donc, on se complète tout, Justine, toi. ES, moi, option j'ai fait maths. L, oh là là, voilà, normal. Mention. Mention. Oui, il y a une petite mention. Mention quoi ? Finale, mention assez bien. Ouais, mais on n'est pas fiers de la mention non, assez bien. Non, c'est nul. Ouais, d'accord. On aurait préféré rien avoir. Ouais. Ouais, moi, j'ai eu au rattrapage, donc je me sens. Ah, gros nul. Bouh. Ouais, mais j'ai la grinta, moi, c'est tout. Pas de mention, moi. Voilà. Bah ouais, mais y a pas besoin. Ouais. Pas besoin. Moi, j'ai eu 12. Je crois vraiment du CEP. Ah, 12, t'as la mention du coup. Oui, j'ai eu la mention, mais j'ai eu 12 du CEP. Ah, ouais, c'est fou ça. J'ai jamais essayé. T'as jamais fait moi. Tu dis CEP ? CEP, ouais. CP. Ah bah oui, c'est CP. CP, cours préparatoire. Ah ouais, je dis CP. Voilà. Bah, arrête de dire ça. Bah, ça n'a aucun sens. C'est comme à l'accoutumée, personne me reprend, ça se dit pas, mais je le dis. Ah bon, bon ouais. Comment ça ? Ça se dit pas. Non, mais si, ça se dit comme à l'accoutumée. Bah, arrête. Non, ah, non, je te jure. C'est ça le dit. On parle toujours d'addiction d'ailleurs aux réseaux sociaux. T'as chaud ? Non, non, enlève ton pardon, pull. Enlève ton pull. C'est une belle pièce, j'ai mis pour plaire à. je voulais pas t'en parler tout à l'heure parce que ça faisait c'est un dommage, peu. Genre, ça va, je parle de ça, mais elle est très belle. Voilà, j'aime beaucoup. Alors qu'il l'a mis dans un seul et unique but. Voilà. Ouais, bah je connais, je voulais pas être le relou. Plaire, voilà, non, bah tu m'as plu, je suis séduit. Bah attends, il te plaît, mais t'exagères. Il aurait jamais cru que. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me découvres. Sacré Karine. Elle doit bien se marier là avec Coluche. Et un petit problème, c'est que ces BO là ne sont pas sur les plateformes. Ah ouais, ouais. Les BO de Taxi, sauf la dernière qui est sortie il y a genre 3 ans. Oui, avec Taxi 5. L'Algerino. Va bene ma bella. Là, bien sûr. Là, là, là. Mais les premières, et notamment la 3 qui est incroyable, elles ne sont pas sur les plateformes. Voilà. Comme là. Les Princes de la Ville 213 n'est pas sur les plateformes. Ah bon ? Et toi ? Et c'est les distributeurs pour des raisons de droit, ouais. Ah ouais, okay. Le morceau est lié sur oui, une compile, mais y a l'album. Pas l'album ouais. Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup, ouais, sur les Spotify et tout, des vieilles compiles cheloues. Ouais, c'est voilà, le seul endroit où t'as la chanson, genre un, morceau, un max de rock ou un truc comme ouais, ça. Ouais, et ça va finir par arriver un jour où les bah, droits comme vont... Solar, cette année, les 4 premiers albums de Solar sont arrivés là parce qu'ils sont enfin mis d'accord avec les labels, mais ça prend du temps. Parfois, les labels n'existent plus, les mecs, parfois, sont même plus de ce monde, tu vois. Genre, le manager de Solar est décédé il n'y a pas très longtemps. Mais bon, bref, voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais comme la musique d'Alia est enfin disponible, les premiers albums d'Alia n'étaient pas disponibles. Ah, ils n'étaient pas disponibles. Sauf le tout premier produit par R. Kelly, mais n'en parlons pas. Dans les Landes, on parlait d'addiction au téléphone. Dans les Landes, un homme a pourri. 15h30, hein, pour Gilles-ci. Dans les Landes, un homme a pourri l'internet. 15h30 de retard. Ouais. A pourri l'internet de tout son village sans faire exprès. À votre avis, qu'a-t-il fait dans les Landes ? Pourri l'internet ? Les gens n'avaient plus internet Est-ce à cause de ce gars. Il a coupé un câble. Non, sinon ce serait un peu déceptif. Mais il a fait exprès ou pas déjà ? Non, enfin, il a surconsommé via un site tel pornographique. Non, pas pornographique. Non. Dans les Landes, non. Il a coupé l'internet de tout le monde. Il voulait pas couper l'internet de tout le monde. Il voulait couper l'internet de son voisin pour le faire chier ? Alors, pas de son voisin. d'un ennemi, le nouveau mec de sa femme, non. De son ex. De ses enfants qui cassaient les couilles. Alors, trop sur internet. Ah. Effectivement, de son fils, tout simplement. Il a utilisé un brouilleur. Alors, c'est assez fou parce que moi, très efficace. Mais très trop efficace, un peu trop. Alors, c'est assez fou parce que attendez, j'ai plus le lien. Deux secondes, je vais. Il a dû se brouiller avec tous les habitants. Oh, Adrien. C'est facile pour toi ça. Ça coule de moi comme du sang si je m'ouvre les veines. Les gens pensent que c'est du montage et ça sort très vite grâce au montage. Non, c'est en direct. Moi, je peux en témoigner. Un père de famille avait installé un brouilleur qui fonctionnait de minuit à 3h du matin pour empêcher ses ados de surfer. Ah, mais c'est le wifi. Non, c'est pas ça. Bah non, c'est un brouilleur. Non, c'est justement, non mais un brouilleur de wifi. Oui, j'imagine. Généralement, oui, je pense que c'est ça. Mais voilà, cet engin est illégal en France. En fait, tu ne peux pas acheter un brouilleur en France. Il perturbait les services de téléphonie et d'internet de tout son village et même de la commune voisine. Il a dû payer une taxe d'intervention de 450€ et fait l'objet de poursuites judiciaires. Alors, c'est assez ouf parce qu'il y a trois tumeurs aussi au cerveau, ouais. Désormais. Non, bah, si t'écoutes mon rep, c'est l'inverse. C'est le wifi qui donne des... Moi, je dois rebrancher la box. Les brouilleurs, je crois que c'est bien pire. Enfin, de toute façon, ça envoie des ondes pour parasiter, donc je crois que c'est pire. Mais là, l'appareil étant illégal, il n'y a toujours pas de preuve que ça. Oui, c'est comme l'iPhone qui rend stérile. Ouais, voilà. Alors, moi, fallait pas le portable, fallait pas le mettre dans sa poche. J'ai 4 enfants cachés, donc... Pareil. Donc oui, le père de famille risque des poursuites judiciaires allant jusqu'à 6 mois de prison et 30 000€ d'amende. 30 000€, c'est... Ah oui. Le fils est content. Je pense que là, le fils est... Hey, papa, tiens. Voilà, c'est clair. Tu peux c'est fendu d'un chèque, voilà. Je pense. Tout simplement dans un zoo. En Angleterre. Oh là là. Ah bah oui. Quelle transition. Tout simplement dans un zoo. Peut être un nom d'album pas mal. Tout simplement dans un zoo. Les singes ont la libido un peu en berne. Je vous le dis, alors on a toute une histoire dans ce podcast avec les singes. Je sais pourquoi. Alors, non, c'est pas la question. Ah, pardon. C'est pas la question, mais explique-moi. Bah, parce qu'on les regarde. Ah, ouais. Peut-être que ça peut les exciter. Peut-être qu'il y a des merdes, peut-être des singes un peu. Mais alors, c'est pas la question, mais c'est vrai que nous, on a tout un. Voilà, on a toute une historique avec les singes. En fait, on a découvert que les singes étaient très violents. Et que pour le coup, en Inde, ils avaient attaqué des gens. Bon, là, on parle pas de ça, on parle de singes. Attaquer, voire tuer des gens. Tuer. Le singe est tueur. Pousser des gens à leur mort. Ils les ont pas forcément tués, mais. Tu vois, c'est un peu comme Charles Manson. Et je rappelle, il a tué personne, mais bon, ouais. Il est quand même responsable. Et je rappelle qu'ils ont assassiné 150 chiens. Voilà. Deux singes dans un village avaient tué 150 chiens. C'est vrai, de leur main. Ouais, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire qu'ils les ont attirés sur un toit et après ils les ont poussés. Sans issue. Wow. Et du coup, après. Non, ils les ont pas poussés. Ils les ont laissés crever. Ah oui, non, ils ont laissé crever. Je confonds avec le film 300, pardon. Donc là, ils les poussent au ralenti. Oui, j'ai confondu. Donc là, oui, c'est des singes dont la libido est un peu en berne. Tu vois, ils bandent mou, peut-être un peu. Bah, je connais. Des gaules. Ils ont un peu des gaules de singe, on peut dire. Gaules de singe. Tu sais, c'est comme t'es mal à taille du rat. Ouais. T'es mal à gaules du singe. T'es mal à gaules du singe. Attention, le titre aussi. Ah, bien sûr. Ou une expression. Genre, quand t'aimes pas trop un truc, tu dis pas c'est de la merde ou j'aime pas, tu dis c'est de la gaule de singe. Donne une gueule de singe un peu. Enfin, bref. Qu'on décide de faire les gérants de ce zoo pour aider les singes à avoir un petit peu plus de. Voilà, projeter des vidéos de singes qui baisent. Non. Ça se fait, hein, ça se fait avec les pandas, je crois. Ils mettent des vidéos de pandas qui baisent. Ouais. Projeter des vidéos, des photos de singes affriolants. Avec des soutiens-gorge. Singe affriolant. Non, parce que ça doit être con en fait. Donc, j'imagine que les mecs ont forcément fait un truc con. Tu vois. Écoutez, on a mis une gaine à singe, on va voir ce qui se passe. Et on leur a donné du Viagra pour singe. Non, je visualise dans Gremlins 2 le Gremlins femme. Oui, c'est ça. Forcément, plein de rouge à lèvres et tout. Mais en singe. Je vois ça moi. Et moi j'aime bien. Ils leur ont mis de l'ASMR un peu olé olé. Non. Est-ce que quelqu'un s'est déguisé en singe et les a comme dans un Bugs Bunny. Encore une fois, pour les pandas, bah c'est pas pour les exciter, mais il y a des scientifiques qui se déguisent en panda. Arrête. Pour y a des photos où les mecs sont déguisés en panda, mais c'est pour pouvoir s'introduire dans leur habitat naturel sans les perturber. Les scientifiques sont déguisés en panda. Et genre ils ont des jupes, ils ont des juste une jambe. Comme ça. Le déguisement est un peu à chier d'ailleurs. On y croit pas. Apparemment les pandas y croient quoi. Putain, ça marche sur eux quoi. Comme quoi, autant que ça crève. Hein, c'est oui, vraiment cette débile, espèce hein. Était vraiment pas faite. Ouais. Ah oui, un employé de zoo se déguise en libido, gestation. Attends, c'est ouf. Ah oui, il se déguise en panda. Bah alors, c'est pas ça, il se déguise pas en singe. Quel dommage. C'est vrai que là alors. De la musique, la réponse est pas moins sympa. Okay. Alors c'est lié à la musique. Ah, j'aurais pas. Oh. Ils leur mettent des trucs un peu romantiques. Barry White. Alors non. Tu es Tu as ça de la bonne réponse, que ça, ça contient Marvin Gaye. Sexual Healing. Ils mettent Sexual Healing de Marvin Gaye. Alors, c'est pas avant qu'ils le mettent. Ils engagent un imitateur de Marvin Gaye. Waouh. Alors, il y a un imitateur. Non, mais là, non, mais, si. Non, mais c'est bien mieux que. Bah, que oui. Là, c'est incroyable. Dans un zoo. Ah, parce qu'ils ont pas les droits de la vraie chanson. Je sais pas, je sais pas. Ou alors, il va leur susurrer à l'oreille. La musique de Marvin Gaye est légendaire pour avoir mis les gens dans l'ambiance d'une guérison sexuelle. Et bien, ouais. Ainsi, à l'approche de la Saint-Valentin, il y a une petite envie de faire le buzz, hein, attention. Oui. Un zoo britannique s'est demandé s'il pouvait amener les singes en voie de disparition à dire également « Allons-y ». J'aime bien la formulation. Les habitants à fourrure de la forêt des singes de Trentham, Stafford, en Angleterre, ont reçu des encouragements émouvants d'un imitateur de Marvin Gaye. David Largie a interprété certains des grands classiques de Marvin Gaye dans l'habitat des macaques de Barbarie pour les mettre dans l'ambiance de la reproduction. Nous avons pensé que cela pourrait être une façon créative d'encourager nos femelles à montrer un peu d'affection aux mâles qui n'auraient peut-être pas été aussi chanceux en amour. Je vous montre quand même la photo qui est vraiment... Bah, qui est vraiment un imitateur de Marvin Gaye. Le mec a ça sur son CV, quoi. J'ai chanté l'amour pour des singes. J'ai fait baiser deux singes, t'entends? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie dans Objectif Millionnaire? Bah moi, voilà, j'ai fait baiser des singes. Objectif on m'a dit c'est impossible et j'ai fait baiser deux singes. Donc vraiment, vous pouvez pas m'en empêcher. Est-ce qu'on a des news de Jill C, Adrien? C'est à pleurer de rire. Il arrive dans moins dans une heure. Dans une heure. Il n'a pas bougé. Il va arriver dans 5 minutes, normalement. D'accord. Il y a quelques jours, un petit garçon est né en Suisse. Alors, il n'a aucune particularité, physique ou mentale, mais sa naissance a tout de même quelque chose de très insolite. À votre avis, quoi? Peut-être que sa mère l'a eu très tard. Non. À un âge avancé. Sa mère n'est pas une super centenaire. Ok. Je crois que tu poses la question. Ni même une centenaire. Il a une particularité physique? Non, justement, non. Justement, il a aucune particularité physique. Non, mais t'inquiète. Il n'a aucune. Est-ce que je pourrais avoir la question? Je suis désolé, j'étais en train de parler à Jill C. De dire à Jill C qu'on avait commencé sans lui. Mais à peine. Tu lui dis franchement, ça fait une minute. Un petit garçon est né en Suisse, Adrien, et il a aucune particularité physique ou mentale, mais sa naissance a tout de même quelque chose de très insolite. Et je vous demande quoi? Voilà. Est-ce que c'est le Xème enfant à être né? Non, pas du tout. Son nom? Son nom n'est pas surprenant. Donc pas il a ses pas ses parents, ça vient de ses parents. Ça vient pas de ses parents, ça vient vraiment c'est lié à sa naissance. C'est le jour. Il est né le 22 février 2022. Alors, un truc comme ça. Il est né le 2 février. Oui, 2022. C'est ça. 2. Mais et ça c'est quand même à 22h22. À 22h22. Oh le petit salaud. Et il est le deuxième enfant de la famille, il est pile poil le 22h à 22h22 le 2 février 2022. On était arrivé au terme de la grossesse et ma femme et moi nous avons voulu provoquer la naissance comme pour notre premier enfant. Alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour le buzz? Je ne sais pas. Et il ajoute plus tard, quand on a regardé l'horloge de la salle d'accouchement, tout le monde a halluciné, on n'en revenait pas. Et ce n'est pas tout, alors Ron est né dans la salle d'accouchement numéro 2. Non, ah, mais ils l'ont déplacé au dernier moment, je pense. C'est pas très... Ils ont changé les cuisses, garde les os. C'est pas fou, en vrai, la symbolique, c'est tu seras toujours deuxième. Tu vois, ouais, ouais. Tu seras toujours deuxième, gars, quoi. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de quoi se la raconter, en fait, comme ils font. Ouais. Bon, comme ils font. Ouais, ouais, ouais. Ils sont chiants, là. Un article et tout, c'est bon. Arrêtez de vous la jouer. Alors, continuons à parler bébé. En plus, voilà, Mehdi, je sais que t'es papa depuis pas très longtemps. Absolument. Moi-même. 9 mois, quand même, donc j'ai une plus grosse expérience que toi. C'est vrai, c'est vrai que t'es. Ouais. C'est 4 fois plus. C'est pas un concours, les mecs. C'est pas un concours, mais c'est vrai que si c'en était un, t'as un peu gagné. C'est le mec qui a dit qu'il aimait pas la compétition. La mienne a perdu, voilà, je suis obligé de le dire à l'antenne, ma fille a perdu. Non, mais continuons à parler bébé. L'état civil français, oui. Je sais pas si vous le savez, a le droit de refuser des prénoms s'il les estime gênants et compromettants pour l'avenir de l'enfant. L'INSEE tient un registre national des prénoms donnés au bébé, voilà, né dans l'année, faut savoir ça. D'ailleurs, quelle tannée, je sais pas si t'as fait la déclaration de c'est machin, chiant. Qu'est-ce que c'est long. C'est chiant, ouais. C'est vraiment, il demande. Moi, c'est fou, j'y suis allé, donc faut savoir que t'as 4 jours, 3 et jours ouais, après la ça. Naissance, c'est très court, c'est très pour oui. déclarer la naissance de l'enfant. Nous, en plus, elle a accouché dans un autre arrondissement, donc t'es vraiment. T'as sinon, pas... quoi, elle n'existe pas. Sinon, elle n'existe plus. C'est enfin, fini. Il est fallait rayer de l'humanité. C'est ça, exactement. Okay. Ils la mettent dans une grande fosse avec tous les enfants non déclarés. Non, donc t'as 3 jours, et donc faut savoir que bah, la maternité, voilà, toi, tu dors pas beaucoup, oui. C'est normal, tu vois, c'est machin. Et donc j'y vais, et en gros, avec ma femme, on a voulu garder les deux noms de famille. On a voulu que ce soit pas que mon nom. Donc ma fille s'appelle Johan Polanski. Le Sage Bernard. Ouais. Quoi oh, ouais, hein et oh. Il y a eu un ho-ho génial. Ouais. Là, on sent le daron. Là, on sent le daron. Genre, ces blagues-là, le faisaient rire avant. Et là. Non, j'ai pris 12 ans. En 9 mois. C'est terrible. Je le sens physiquement. C'est terrible. Et bref, et je leur dis, bah voilà. Et donc, je relis le truc et je vois qu'il y a que mon nom. Je fais, ah bah non. Excusez-moi, mais c'est le Sage Bernard, c'est pas que Bernard. Je suis woke, t'as dit. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, je suis complètement déconstruit, tel que vous me voyez. Et ils m'ont je dit. Je m'effondrais à tout moment. Tellement je suis. Je n'ai aucune fondation, d'accord. Et ne marchez pas dessus comme un Lego, je suis déconstruit. Ça dirait du rap conscient nul. C'est ça. C'est un peu ma vibe dans la vie. Hein. Et donc je fais non. Et là ils me disent ah bah du coup il faut la signature de la mère. Et quelle galère ça a été. Mystère la mère. Du coup. Oh là là. Non mais on continue. Et donc j'ai dû faire l'aller-retour. Et vraiment j'ai failli m'effondrer. Parce que t'es vraiment très fatigué, ouais, en disant mais écoutez, je pourrais vous dire oui elle est dehors, j'imite sa signature, on n'en parle plus. Je suis honnête avec vous, fallait je vous faire. Dis hein. Fallait oui. faire. Non mais fallait le faire, ouais, ouais. J'en ai parlé à un pote qui l'a fait, hein. Vraiment il n'y a pas eu aucun problème, malhonnête, hein. Et moi j'ai dit je le fais pas, je suis honnête. Donc il me dit non. Oh, et ça m'a rendu fou, j'étais vraiment face, oui, oui. Donc elle s'appelle Bernard. Donc elle s'appelle Bernard. Elle s'appelle Florent Bernard. Junior. Donc bref, en tout cas, l'INSEE tient un registre national des prénoms donnés aux bébés dans l'année et ils ont publié le top 20 des plus improbables qu'ils ont reçus en 2021 et qu'ils ont refusé. Alors, il y en a 20, d'accord. Peut-être pas trouvé les 20. Vous pouvez m'en citer quelques. On l'attend. Est-ce que Gilles-ci en fait partie? Bah, on va l'attendre. C'est bon, en fait. On a fini. Donc. Ça roule, t'as pas trop couru. Frère, je suis mort là. Ouais, ouais, là, il a un verre, t'inquiète c'est pas. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Tu peux revenir, on commence, Adrien, s'il te plaît. Ah non, mais t'as vu, il t'a retourné. Alors, t'as déjà écouté le Floodcast ou pas du tout, Gilles? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas du tout. Ça veut dire jamais. Jamais. J'en ai écouté un dans les Uber. Pour capter. C'est pour ça que t'es en retard. C'est pour ça, c'est exactement pour ça. Et là, on était en train de parler bébé, d'accord. Et j'expliquais que l'état civil français a le droit de refuser des prénoms s'il les estime gênants. Mm-hmm. Ils ont tenu un registre en gros national avec tous les prénoms de bébés qui ont été refusés dans l'année. Okay. Des prénoms où t'as pas le droit de donner ça à un bébé. Ouais. Donc, du coup, je vous demandais dans le top 20 si c'est vous pouviez deviner des noms de bébés. Okay. Alors, Covid. Alors, y a pas Covid. Oh, aussi, Zemmour. Y a pas Zemmour. Squeezie. Il n'y a pas Squeezie. Non, bah c'est possible, je sais pas. Ni Cyprien. Remarque, ce serait pas. Zizou. Non, ni pas Zizou. Normal. Bah, ça, Normal, Zidane, il y en a eu. Des Zidane, il y en a eu. Mbappé. Ah oui, Zidane. Juste Mbappé. Il y a eu plein d'enfants qui sont appelés Zidane après France 98. Bah oui, évidemment. Ah ouais, mais je pensais que justement, tu n'avais pas le droit. Je pensais que ça Pourquoi faisait partie. Bah, je sais pas, justement, vu que c'est un nom de Rosta, est-ce qu'ils bah, disent ouais, pas. Bah non. PNL. Il n'y a pas PNL. Moi, je pense c'est plus dans les trucs qui fâchent. Genre Ben quelque chose. L'oncle Ben Sable. Laden, ouais, voilà. L'oncle Sable. T'as le droit de dire Ben Laden ici. Hein, je prends pas de risque. C'est libre. Hein. Non, y a pas Ben Laden. Non, pas, on peut appeler Ben Laden. On peut appeler Ben Laden à tout moment. Je suis sûr qu'il y en a. Pas sûr. On fait des canulars. Mais déjà, il y avait eu beaucoup de. Il paraît qu'il y avait eu beaucoup de Oussama. Oussama, c'est vrai, ouais. Il paraît. Tout à fait. Il y avait des fans. Est-ce que c'est une légende urbaine Un fan club. Il y a un fan club après les. Non, mais par exemple, je vous en donne un. Trump. Pas Trump, 2021. Ah attends, le fait que tu dis oh, on a le droit machin, il doit y avoir des noms de célébrités qui ont été refusés. Non, il y a pas à des noms de célébrités. Non, il y a non, pas okay. Si. Ah, mais ouais, si tu as encore Adolphe. Il y a pas Adolphe. Hitler par contre. Il y a pas Hitler. 2021 c'est bon, ça on peut faire. Est-ce que est-ce qu'il y a des trucs en rapport avec l'actualité récente de l'année quoi? Bah pas vraiment. Ah ouais. Non, pas vraiment, c'est plus des trucs. Mais ouais, genre, c'est très lâche. Je sais pas, des trucs vulgaires. Virus? Non, il y a pas virus. Non, il y a pas trop de vulgaires. Après attends, dites-vous, c'est fou. Mais c'est l'INSEE, ils allaient pas dire oui, bah il y a Jean Guy merde, Jean Guy merde, Jean Chiasse. Ouais. Non, c'est. Il faut dire chiasse à chaque. C'est obligé. C'est alors, je l'ai dit. Ok. Là, je prends le brief là, en tête là. Après j'arrive. Ah, c'est bon, je l'ai dit, t'inquiète. Moi je prends sur moi la chiasse. Non, mais par exemple, il y a anal et anus. Par exemple. Okay. Ah, anal et anus okay. ont été c'est proposés. C'est étonnant de vouloir appeler son enfant comme ça. Anus. C'est une vanne. Non. Peut-être qu'ils ont voulu faire une vanne. Des numéros. Genre. Non. Il y a CR7. Donc tu vois, t'étais pas très loin. Mais c'est Elon Musk qui a appelé son fils. C'est vrai, oui, qui est imprononçable. Voilà le nom de son fils, oui, je crois, d'Elon Musk. Sa fille, c'est je crois. Sa fille X.20. Pi 314. Et Pi 314. Anus et anal, c'est un peu vulgaire. Oui, mais c'est les seuls qu'il y a. C'est les seuls qu'il y a. C'est pas des gros mots. Non, mais. Il y a des personnages de fiction. Voilà, je peux vous le dire. Ok. Ah, ok. Spider-Man. Il n'y a pas Spider-Man. Des noms genre. Harry Potter. Casa de Papel, Helsinki, des trucs comme ça. Des non, villes. Alors il n'y a pas Helsinki, mais il y a Manhattan, dis-toi. Manhattan. Ah. Manhattan. Ah, Manhattan. Ils ont refusé. C'est pas ah oui, passé. Ils ne veulent pas. Bon, ouais, ah, non, Manhattan, non. Manhattan, ça devrait être accepté. Bah ouais, je sais. Manhattan, Kaboul. Ouais, elle pourrait tomber amoureuse d'une Kaboul. Et ensemble, ça pourrait être vraiment un couple fou. Attends, mais le fils Beckham, il s'appelle Brooklyn. Ah ouais. Oui, mais Brooklyn, t'as le droit, Manhattan, non. La banlieue, c'est ok. Non, mais c'est en France, encore une fois. Je crois que dans les autres pays, t'as beaucoup plus le droit peut-être de donner des noms bordel. Alors attends, parce que s'ils ont refusé Manhattan, nous, on est en train de chercher les trucs de dingue, ça se trouve, table. Et ils ont Francis, dit, bah, non, ça non, se trouve. Francis, t'as pas le droit. Non, non, table, il n'est pas dedans. Nutella est dedans. Voilà, je vous en ah, est-ce qu'il y a d'autres j'aime. Marques? Est-ce qu'il y a des marques? Il y a des marques. Ah, Nike. Il y a pas Nike. Adidas. Non. Adidas, qui est d'ailleurs. Lidl. Contraction de Adi Dassler, qui est le fondateur d'Adidas. Tout à fait. Ah voilà. Voilà, non, mais c'est pas, il y avait pas une histoire entre les deux frères là, bah, Adidas son frère, et c'est Puma. Puma. Ouais, c'est ça. Son frère, il a fondé Puma. Ah ouais, okay. L'histoire est folle. Hein. Mais oui. Genre, ils avaient. Tu sais, ils habitaient chacun en face d'un, sur chacun des rives d'un fleuve. D'accord. Genre, c'était une énigme en fait. C'est une fable, ouais. Il y avait une chèvre et un chou. Le matin, il marchait à quatre pattes. Et le soir. Non, mais c'est ça l'histoire. Hein. Bon, évidemment, grossièrement. Mais globalement, c'est ça, tu vois. Ça, mais un a créé Adidas et l'autre a créé Puma et ils étaient en clash et tout. Ouais, ouais. Et je crois que le premier est mort sans qu'ils soient réconciliés. Ce qui est assez triste. Ne faites pas ça si vous nous écoutez, réconciliez-vous. Réconciliez-vous à vos frères que vous les aimez. Bien sûr. Surtout s'il y a un héritage. Ouais, après c'est la surtout merde. Surtout si l'héritage d'Adidas. Ouais, c'est ça. C'est de se réconcilier. Bob l'éponge, voilà. Bob l'éponge a été refusé. On en a trouvé zéro, on est d'accord. Zéro, on zéro. Est nul, ouais. Putain. Mais non. Est-ce que, pourrait en trouver un, pourrait en trouver un. Mais oui. J'ai quand même dirigé de ce vers CRC de Manhattan. C'est vrai, Manhattan, t'es pas loin. Voldemort. Pas loin. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé. Mais sur les personnalités, t'as dit personnage de fiction. On devrait en trouver quand même. Personnage de fiction. Dessin animé. Dessin animé. Okay. Ah, français. Reine des Neiges. Peppa Pig. Ah non. Non. Pas Reine des Neiges. Pas Peppa Pig. Pas de patrouille. Pas de patrouille. Pas de patrouille, c'est bien. Moi j'ai hésité entre Johan et pas de patrouille. Attends, dessin animé français, t'as dit. Ouais. Récent. Non. Non. Pas récent. Attends, y a quoi? Putain, mais. Blanche ah, Titeuf. Y a Titeuf. Ah, Zizi. Ah, enfin. Zizi. Zizi. Y a pas Zizi. C'est vrai que Zizi, c'est le nom du bébé. Mais tu sais qu'en vrai, elle s'appelle Suzanne et du coup son surnom c'est Suzy et du coup il l'appelle Zizi. Ah, moi j'ai toujours cru qu'elle s'appelait Zizi dans Titeuf. Je trouvais ça un peu abusé. Grave abusé. Zep, c'est un peu quoi. Zep. Oui, il s'appelle Zep. Oui, oui, non, mais je disais comme prénom. Non. Y a pas Zep. Y a pas Zep. Non, y a Titeuf. Y a d'autres personnages de BD. Pôle emploi. Astérix. Pas Pôle emploi. Tes organisations. Astérix, dedans. Oh, stylé. Tintin. Y a pas Tintin. Moi, boule. C'est fini, Tintin. Là, non, c'est fini. Boule, dans Boule et Bill. Dans Boule et Bill. Boule, en plus, c'est le, boule. C'est le fils. C'est l'enfant, ouais. C'est Bill le chien. Ouais. C'est fou. Il a le nom, le. Terrible, il a le nom, le. Moins stylé, des deux. Ouais, des deux. Non, mais y a Spirou, voilà, je vous le donne. Ah, y a Spirou, y a Spirou. Je vais vous en donner quelques-uns, parce qu'il y en a quand même 20. Y a Clafouti. Lucas Studio. Non. Non. Mon enfant, Lucas Studio, c'est un prénom composé. Lucas Studio Méniel. Clafouti, Excel, comme tableau Excel. Oh, ouais. Franchement, c'est Excel, la première fois que tu finis au tableau Excel. Ah, allez. Mais en vrai, Excel, je trouve ça stylé comme prénom. Ouais. Excel, c'est juste que ça renvoie un tableur, quoi. C'est pas hyper bien connoté. Oui, mais tu veux dire. Tu peux dire, c'est excellence, tu vois, un diminu. Je pense qu'il y a plein de. C'est très proche d'Axel en plus. Il y a plein de prénoms qui ramènent à des trucs pas ouf et qui sont quand même autorisés, tu vois. Oui, Pierre, ça rappelle une pierre. Un caillou minéral. C'est une pierre minérale. Excel, ça doit être une marque aussi, en fait. Ah, déposé peut-être. Adobe. Adobe Premiere Pro. Faux l'avril. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Faux l'avril. Faux l'avril, mais ça a été refusé. C'est juste moche, là. Ouais, c'est dégueulasse. Un gars, il a proposé la banane. Non, c'est bon, ça. C'est nul. On enlève. Nicolas, non, trop banal. J'ai refusé. On a trop, c'est relou. En 2022, sérieux, Nicolas? Il y en a un, je suis très surpris. Parce que je pensais que c'était autorisé. Fraise. Ah ouais. Donc fraise. Non, mais là, moi, je pense que c'est ce que tu dis. C'est un employé qui est de mauvais poil. Non, non, c'est bon, fraise. C'est ça. Fraise de groupe. Fraise de groupe. Pamplemousse. Oui, voilà, c'est ça. Pamplemousse, je suis pas sûr que t'aies le droit. Framboise, tu peux. Fake news, du coup. Parce que Olive, ça existe, Olive. Ouais, Olive. C'est la femme de Popeye. Bah, bien sûr. Big Flo et Olive. Non, c'est Olive. Lucifer. Oui, je comprends. Stylé. Mauvais délire, mauvais délire. Mais stylé. L'ambiance. Moins sympa. Metallica. Non, là, c'est non. Metallica, d'accord. T'aimes pas le groupe? Si, pourquoi pas, okay, mais appeler son enfant Metallica, non. T'aimes pas le groupe, pourquoi pas. J'ai rien contre. Mais non. Mais si tu veux appeler ton fils Metallica ou ta fille Metallica, malheureusement tu pues de la bite. Enfin, c'est, je veux voir, c'est obligatoire. C'est non, mais il n'y a pas de débat. C'est, tu es obligé de puer de la bite. L'hygiène n'est pas irréprochable. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu as à vie l'hygiène de quelqu'un qui sort de 3 jours de Hellfest. Toute ta vie. Qui se lave avec des lingettes et qui se dit ça me suffit. Ça suffit. Ça me suffit. Oh, c'est largement assez. Apéro. C'est l'apéro, non? C'est l'apéro. Mini Cooper. Ouais, ouais, bah, okay, normal, okay. Normal. MJ. Pour MJ, Michael Jackson. Pour Michael Jackson. Jackson, peut-être. Peut-être pour Michael Jordan, ouais. Si on sait pas. Oui. Oui. Pour Michael même. Johnson. Oh. Tu te souviens de ta tête? Bien sûr, Michael Johnson. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs genre Kobe? Qui? Kobe, t'as dit y a pas qui Kobe. Courait très vite. Oui, Kobe, Kobe, bah ouais. Bon, Kobe, Kobe, t'as pourrait. Droit quand même, j'espère. Ouais, Kobe, j'espère t'as le droit. Ça n'a pas été proposé. En hommage. Ça n'a pas été proposé. Prince William. Oui, bon. Ah, genre, Prince William, genre. Ouais, non, je l'inspirais. Comme Jean-Baptiste. C'est hyper connu. Prince William. Un pote du Prince William, c'est son prénom. Parce que Prince, pour le coup, est un prénom. C'est vrai. Mais Prince William, bon. Prince William, c'est relou. Et sinon, les deux derniers, il y a Désigual. Oh, non, mais bien mais écrit Daisy, genre la nénette Donald. C'est pire. C'est un jeu de mots en plus d'être une marque. C'est... Et Désigual, même la marque faudrait. Ouais, ouais, ouais, ça, ouais. Pour 2022, faudrait la reine la nuit, la logique. Et le dernier, je le trouve un peu. Peut-être un peu dur pour l'enfant. Anomalie. Oh non! Oh, oh, ça c'est génial! Ça. D'où l'interdiction! Ouais. Ouais. Mais après, c'est joli si tu fais abstraction, oui, du sens. C'est joli. Mais ouais, ouais. Ça ressemble à un vrai sens. Mais il y a un, oui, sens, voilà, qui est malheureusement. Malheureusement, il y a un sens. Oui. Non désiré, tu vois. Il y a le joli désiré, mais il y a non désiré. Alors voilà, voici mon fils. Très mauvaise capote. un multimillionnaire a semé la panique à Bangkok. Qu'a-t-il pu bien faire selon vous? Un multimillionnaire a semé la panique. C'est un rapport avec son argent ou vraiment moi j'aurais pu le faire à Bangkok? Alors, t'aurais pu le faire, mais faut quand même une orga. Non, c'est le fait d'être millionnaire et pas une organisation. Ouais, est-ce que la ville a une importance ou ça aurait pu être n'importe où? Ça aurait pu être n'importe où. Ok. Il a pas genre jeté des billets depuis un hélicoptère? Non. J'aurais pu le faire. C'est vrai. Des billets de 1 euro. Ouais, qui sont très rares, cela dit. Ouais. C'est pour ça qu'elle les jette, hein, d'ailleurs. Jeter des pièces, elle a tué 12 personnes, malheureusement. Bah, c'était la fameuse légende de si tu jettes une pièce de haut de la Tour Eiffel, oui, ou de l'Empire State Building, elle peut traverser la tête, ah oui, d'un humain. C'est ça. Si, okay. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. Jamais. Bah, je le ferai plus, alors. Bah, okay. Multimillionnaire. Il a semé la panique, c'est-à-dire les gens avaient peur dans la rue, ou c'est une façon de parler? Ouais. L'histoire ne le dit pas, mais je pense qu'il était défoncé, bourré. Ça implique des déguisements? Alors, ça n'implique pas vraiment un déguisement. Mais ça implique des objets tierces. Il jetait des choses. Tierce Brosnan, d'ailleurs. Bah, oui, j'ai ri. Christine, elle adore. C'est des bons jeux de mots. Pourquoi j'ai ri à ça? Elle adore. Ah, ouais. Il jetait des choses aux gens dans la rue. Alors, non. Des faux serpents? Il était nu? Pas un faux serpent. Il jetait des serpents? Alors. Ah, le bâtard. Non, pas un serpent. Alors, pas que. Il a relâché des cobras vivants. Non, ça, tu peux faire ça qu'à Bangkok. T'avais dit que la ville n'avait pas d'importance. Bah, tu fais pas ça à Melun. Bah, j'ai la raison. Faut faire. Il y a clairement moins de cobras. Bah oui, il y a moins de cobras. La matière première est moins qu'à Bangkok. Il y a un peu moins de cobras, mais. Non, mais si avec bosses... de l'orga, tu fais importer des cobras à Melun. J'avais parlé du norga. Tu les trouves pas animalis, mais tu peux trouver des cobras en cherchant bien. J'ai trouvé faux. Sur le Darknet. Mais donc, non, alors, il a relâché des cobras vivants, mais pas que. Des anacondas. Non, alors qu'une seule marque de serpent. Mais... D'autres animaux, en fait. D'autres animaux. Des iguanes, la marque. D'autres animaux. D'autres animaux. Des iguanes. Pas d'autres animaux, il les a relâchés avec un but particulier qui était de les chasser. Donc, du coup, je vous demande qu'est-ce qu'il a. Et il leur tirait dessus avec des armes? Ah oui, non, il a... mais tu es presque, attends, on est sur une histoire d'armes. Il voulait chasser. Un couteau. Il est jeté des couteaux. Non, des fléchettes. Il plantait des cobras. Des shurikens. Alors, vous êtes vraiment. Je vais vous donner la bonne réponse parce que vous lui caressez la joue à la réponse. Je peux pas vous dire mieux. Vous êtes très tactile avec la réponse. Il était armé d'un sabre. Et il a semé la panique parce qu'il a balancé devant un centre commercial des cobras vivants. Et il a effectué un étrange rituel où il essayait de les tuer. Pendant qu'il se baladait. Cette personne ne va pas bien. Bah, il est multimillionnaire. Écoute, non, c'est vrai que j'avais oublié cette info-là qui était multimillionnaire. Comme quoi, il y a quand même un truc. Entre être fou et être multimillionnaire, il y a quand même un truc. Genre, il y a un truc qui peut t'excuser un moment parce que t'es multimillionnaire. Genre. Non, mais peut-être qu'il y a du temps lien, quoi. Visiblement, Elon Musk. Adrien déteste les riches, voilà, il faut le savoir. Il ne supporte pas les gens riches. Bien sûr. Je suis jaloux, c'est tout. C'est clairement la jalousie. Alors voilà, si vous voulez chercher de votre côté la vidéo. Moi, j'ai une santé mentale fragile et je suis pauvre, donc quitte à, tu vois, être pas bien autant que multimillionnaire. Ah oui, espèce de rituel. Il se coupe les bras aussi. Ouais, il essaie de se couper le bras. Comme dans la vidéo de Loris Juliano. Voilà, il avait papillé des fleurs sur sa voiture et s'est aspergé avec un liquide rouge, alors qu'il n'est pas du. Et il a un faux air de Jean-Luc Mélenchon, ou alors je vois pas bien. Non, non, c'est peut-être Jean-Luc. Hein. Ça m'appelle le film en Thaïlande, tu sais, de Nicolas Winding Refn avec. Ah oui, Nien Dim. Non. J'ai oublié le titre de ce film. Only God Forgive. Voilà, merci. Très chiant, papier. Acheté sur Gary Batman. Chiant, mais très beau. Très beau film. Très beau film. Ah, est-ce que vous voulez dire que c'est contemplatif? Absolument. C'est ce qu'on dit quand un film est chiant, comme Red Dead Redemption 2. Oh, un pavé dans la mare en fait. Je suis aussi là pour ça. Non, moi je trouve qu'il ressemble à Daddy Yankee. Je sais pas si vous vous souvenez, qui chantait Gasolina. Ah, je crois que tu parlais de Mehdi. Non, je parlais. Non. Bien sûr. Du gars qui c'était plus le début de beau gosse, hein, je l'aurais pris bien. Moi je vois pas à quoi il ressemble, Daddy. Moi Yankee. Non plus. Pour le doute, voilà, pour pas le prendre mal. Non, mais je comprends. Est-ce que vous avez. Alors peut-être pas relâcher des cobras en vous aspergeant de ketchup. Faire des conneries, mais est-ce que. C'est quoi votre plus grosse bêtise que vous ayez fait, éméché ou pas, drogué? Moi j'ai jamais été bourré déjà. Non, mais sans être bourré, peut-être quelque chose. Non, mais toi. Parce que on est je rebondis, avec... on est quand même. Mais t'es une balle, tellement tu rebondis. Oui, t'es une balle, confiné de dingue. Spalding, tiens, c'est un bon d'enfant, Spalding. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on est avec Jesse. Jesse, est-ce qu'on peut dire que t'as fait des dingueries dans ta vie? J'ai lâché 2-3 cobras. T'en avais raconté une chez McFly et Carlito où tu étais suspendu du balcon et tout. Là. Ça, c'est pas une connerie, c'est vraiment un sauvetage. Tu t'es exfiltré. C'était vraiment une raison de vivre. Mais toi, c'est quoi le truc le plus fou que t'es fait? Alors, éméché ou pas, ça peut être dans le cadre d'une vidéo. Parce que là, récemment, t'as traversé avec tes amis, mais t'as traversé. En motoneige. Ouais, la Laponie. La Laponie. On a failli tuer un des amis d'ailleurs. Eh ben, j'ai vu la vidéo. Enfin, vous avez failli tous vous tuer. Enfin, ouais, en vérité, concrètement, oui. Vous avez failli tous vous tuer. On va pas spoiler. Non. Tout le monde a failli mourir. Mais c'est quoi, selon toi, le truc le plus fou que t'aies fait Est-ce que c'est en vidéo déjà Je pense pas que ce soit en vidéo. Ah. Je pense pas que ce soit en vidéo. Sachant que parce qu'on n'a pas pu te briefer avant vu que t'es arrivé un petit peu en retard, mais tout est coupable. Hein. Sache que si à un moment tu dis un truc que tu veux qu'on enlève au montage, on peut l'enlever. Ah oui, ok, non. Du coup, il y a pas de, on fait pas gaffe. Quoi. Non. On peut y après, aller. Si t'as tué quelqu'un, ça va mettre une sale ambiance. Il y a moyen qu'on te dénonce. Quoi. Ouais, voilà. Assez rapidement. On sera obligé d'appeler la police, mais on coupera. Par conscience. On bipera. Non, comme ça, je sais pas parce que j'ai fait pas mal de trucs, des vraies conneries. Après, moi, la bonne nouvelle, c'est que je bois pas d'alcool. D'accord. Heureusement, parce que tu vois. Mais tu penses que ce serait pire ou peut-être ça t'éteindrait Non, peut-être. Non, ça serait un bordel. Ah, tu sais, okay, d'accord. Sans nom. C'est bien d'en avoir conscience. Bah ouais, non. Ça, heureusement que je touche à rien parce que ça serait un enfer. Mais un truc qu'on avait fait qui était pas mal drôle et abusé, mais aussi un peu dangereux, et que là, j'ai vraiment risqué un sursis pour le coup. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est on avait avec des potes à l'époque, on était rentré par effraction dans une maison de retraite. Et on avait fait toute une bataille d'extincteurs dans la maison de retraite. On avait saccagé les cuisines, on avait vraiment tout retourné et tout. Et on avait commencé à avoir l'idée de monter vers les chambres et tout pour essayer de voler un maximum de vieux extincteurs. Ah oui, et non, de vieux et de les allumer. Non, et du coup on avait fait ça et tout, sauf que ça avait commencé à déclencher des alarmes, des trucs et tout, il y avait une grosse panique. Ouais. Et au final ils ont. Mais ça va parce que c'était dans un endroit où il n'y a pas de gens trop cardiaques ou de. Non, mais même disons que dans tous les cas c'est bientôt fini quoi. Donc, c'est un peu au revoir. Ouais, voilà, c'est vraiment one life avant de finir, tu vois. Là, tu vois. Mais ça, je pense, c'était un truc assez un peu abusé qu'on avait fait parce que du coup il y avait eu des vraies frayeurs, des vrais trucs, et on était passé sur le parquet avec des procureurs, des gardes à vue, des machins de tous les côtés. On avait vraiment pris ça. Oui, normal. Ouais, d'un côté normal. Ce qui est un peu drôle, c'est que en fait, genre ils en ont attrapé un de la bande. Et en fait, lui, il a balancé tout le monde, mais genre. Sans aucun il a pas problème. Cherché à comprendre, il a tout donné, tu vois. Et du coup, on s'est fait tous attraper tout, sauf que moi, le seul qui avait eu l'idée de cacher mon visage sur les caméras de surveillance, c'est moi. Ah ouais. Tu vois. Et du coup, ils ont mis tous un truc en place pour que je me dénonce. Et en fait, j'avais juste eu très peur d'un coup, donc j'ai tout dit. Bien sûr. Non, mais c'est moi. Mais c'est vrai, c'est marrant de mettre la cagoule, mais quand même, je vais me dénoncer. Ouais. Écoutez, à l'instant, je me suis assis dans le truc, j'ai fait ça, c'est moi. C'est moi. Sous la cagoule, c'est exactement. Vous enlevez le truc, c'est moi. J'ai ramené ma cagoule, regardez. C'est moi. Donc ouais, non, ça c'était assez... Mais dans quel état d'esprit tu te mets quand tu fais des trucs comme traverser la Laponie ou des trucs comme ça? C'est un truc de défi, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un truc de... Est-ce que là, déjà, t'es dans le truc en ce moment d'aller plus loin? Ouais. Cette année, on a des trucs vraiment qui prennent du temps à faire, mais qui normalement se feront cette année, et c'est encore un peu pire. Ouais. Mais en fait, le truc de la Laponie, par exemple, l'état d'esprit, il était plus en mode, on va faire un trip stylé. Ouais. Et en fait, sur place, on s'est dit, putain, en fait, c'était abusé, parce que genre... c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup de mental et tout, et il faisait vraiment très froid, ça on s'y attendait, mais on s'attendait pas à passer 7, 8 heures, 10 heures des fois sur les motos comme ça, à tomber machin, et en fait ça a été un côté mental alors qu'on pensait pas, donc là on a été pris un peu de court, tu vois, contrairement au Mont Blanc et tout, où on s'est mis direct dans un truc, on s'est dit ça c'est, dans tous les cas on va en chier, abuser, Et voilà. Mais du coup, non, mais en fait, moi, j'aime. Bah, même mes gars, souvent, ils me disent, c'est quand qu'on fait un truc tranquille, juste. Tu vois, genre. Un spa. Quand, ouais, voilà. On va se faire masser. On fait Center Park. La vidéo sera pas ouf, mais on en a besoin, en fait. C'est plus une ménage nous, s'il te plaît. Tu vois, genre, des petites vacances. On est dans un spa pendant une heure, parenthèse. C'est un peu chiant. Mais les gars, ils ont besoin. Ouais. Mais ouais, du coup, genre, moi j'ai beaucoup ce truc là de. En fait, pour moi, c'est pas intéressant si on en chie pas. Ouais. Tu vois. Et ouais. Donc, moi je me mets tout dans des trucs comme ça. Jusqu'à maintenant, ils me suivent beaucoup et tout. Mais c'est vrai que. On se met forcément, tu sais, dans un état d'esprit où on se dit, bah vas-y, c'est. Et pour la vidéo. Ouais. Et pour nous aussi. Parce qu'une fois, quand on en sort, en vrai, après, on se dit, putain, on a fait ça quand même. Et ouais. Et en fait, genre, dès qu'on fait plus des trucs comme ça et dès qu'on est un peu plus posé, on est comme des lions en cage si on se fait chier. Et... Mais t'as déjà eu des blessures. Enfin, genre, par exemple, quand tu traverses toute la France quasiment en vélo, ouais. Est-ce qu'il y a des blessures, des trucs quand même des... Là, pour le coup, non, on a eu de la chance. Surtout qu'on n'a pas été hyper responsable encore sur ce coup-ci. Mais on est rarement. Mais moi, attention, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est qu'il n'y a pas de message. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs de on va se dépasser, on va faire un truc de ouf. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est toi et tes potes et vous le faites. C'est ça. Et moi, ça me touche en plein cœur. Mais vrai, vraiment, je te jure, je trouve ça vraiment. C'est ça qui me touche aussi. Pour ça, je suis en mode, j'ai pas envie d'être le mec relou à mode. Alors attention, faites pas ça comme ça. Genre, quand tu vois un mec qui est en train de descendre une piste de vélo à 60 km/h sans casque, tu sais qu'il faut pas le faire. Genre, pas besoin que j'aille te le dire, tu vois, genre. Oui, non, mais il y a ça, et puis même, il y a pas de truc de putain, on a vécu une aventure incroyable. Non, moi, je trouve ça juste, on voit que vous avez vécu une aventure incroyable. Ouais, ça, puis même si elle est pas incroyable, tant pis. On fait un truc et on voit comment on a pété un jet ski, un ski, une motoneige, et puis voilà. Voilà. Voilà. Des grosses factures, c'est chiant. Mais bon, voilà, on l'a fait, tu vois. Mais non, là, sur le truc du vélo, à l'époque, il n'y a pas eu de blessure, ouais. Heureusement. Et il aurait pu en avoir beaucoup. Ouais. Il y a juste eu des énormes douleurs musculaires et tout. Ouais. On ne s'attendait pas du tout à un truc comme ça. Et mais sur le Mont Blanc, il y a eu des vraies blessures. Sacha, il s'était vraiment niqué le dos. Ouais. Et moi, je me suis refait les croisés sur mes croisés que j'ai, qui étaient déjà pas réparés. Et on s'était vraiment, vraiment bien niqué comme carrefour, ça. Carrefour, du coup. Croisé sur un croisé. Une sorte de carrefour de ligaments. Il y avait tout, il n'y avait plus de feu rouge et tout le monde qui passait, c'était un bordel. Plus de sens giratoire. Ah ouais, ouais, non, d'accord, je vois. Il n'y avait ni foi ni loi, rien. Mais maintenant, sur le Mont Blanc, on s'est vraiment, vraiment blessé. Et ouais. C'est ça qui nous a fait dire aussi un peu faut peut-être faire un peu plus gaffe à l'avenir. Ouais. Et après, on a failli mourir un mois plus tard sur des motoneiges. Donc, en fait, on arrive. Je vous invite pas à regarder la vidéo. Ouais, ouais, non, mais c'est. Mais genre, vous êtes accompagné là-dessus par des gens qui font gaffe, tu sais, parce que, ouais. Genre, c'est quand on m'a aidé, ouais, voilà, vous êtes accompagné quand même. Bah, sur des trucs genre comme le Mont Blanc ou la Laponie, on est un peu obligé, parce qu'en fait, on sait même pas par où il faut passer. Oui, on oui, sait oui pas, je peux pas y aller tout seul. C'est ça, le vélo, on était deux, on est parti comme ça, tu vois. Mais ouais, ouais, à partir des trucs là, on a des trucs aussi cette année, on est obligé de les faire avec des guides, ouais. Avec des pros. Sinon on peut même pas s'en sortir, c'est impossible, tu vois. Mais même les pros, on les met eux en difficulté. Et du coup ils sont en mode, bon les gars, c'est ça. C'est... Au moins tu vois, ils ont des trucs aussi, oui, c'est ça. Toi Justine? Bah t'as été punk à chier en Bretagne, Justine, c'est pas de me faire croire. Ah la rue de la soif à Rennes. Oui. Bah oui. Non, ça remonte à la semaine dernière, dis donc. Oh, bah dis donc. Et avec Balasco en plus, putain. Oui, je suis en tournée et on est logé dans des très beaux hôtels. Donc j'étais à Biarritz, dans un hôtel magnifique. Et j'ai ramené une pote à moi. Je fais, bah, quitte à profiter, viens avec moi. Et en fait, on a un grand jeu avec un groupe de potes, c'est que. Elle fait l'enfant sauvage très bien. Enfin, elle arrive à vraiment faire n'importe quoi. Et elle est... L'enfant de la jungle. La voix du petit dans la famille voilà, de la jungle. Elle fait très bien, donc, et dans ces cas-là, elle se met nue et elle fait n'importe quoi. Ah, et, voilà, ah, oui. Et ça me fait extrêmement rire. Trop nul. T'as des vidéos pour illustrer? Oui, bien sûr. Et du coup, elle a fait ça dans les couloirs du Sofitel à poil et je la filmais derrière et ça m'a fait extrêmement rire et elle aussi, jusqu'à ce qu'en fait, on s'aperçoive que les couloirs sont filmés. Bah, oui. Vous allez être rendu compte tard. Finalement, dans un bel hôtel, ouais. Non, mais après, on s'est dit, viens, c'est pas grave, on s'en fout. C'est si il y a un problème, tu vois, je pense pas qu'il y a un mec qui regarde H24, tu vois, les couloirs du Sofitel. Une meuf à poil, mais ça me dégoûte. Mais non, mais y a pas des vigiles H24, tu vois, qui comme sont en train de mater films. Des trucs. Tout bien sûr que non. Tous les écrans. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'a fait extrêmement rire. La caméra de Didier Bourdon dans Les Trois Frères, un peu, le truc un peu dégueulasse. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, je pense pas qu'il y ait ça. Ouais. Et du coup, c'est ce qui nous a permis de le faire pendant 3 jours. Et ah oui, toi, t'es vraiment. On va pas. 3 jours, on va c'est pas. 3 jours, c'est énorme. C'est oui. Pendant 2 semaines. Elle a fait l'enfant sauvage tous les jours. Oui. Bah, un week-end à Biarritz, quoi. Enfin, exactement. À Biarritz, quoi. On va pas balancer des blases, mais toi, t'es vraiment la meuf. Tu fais pas les trucs, mais tu filmes, quoi. Parce que, avec une c'est certaine vrai que comédienne. Les gens sont mes jouets. Française, c'est vrai. Vous avez un truc où elle monte ses seins dans des endroits publics. Tout le monde va deviner qui c'est. Ouais, mais on le dit pas. On le dit pas. Josiane Balasco, évidemment. C'est Josiane Balasco. Non. Non, mais et tu la filmes aussi, donc t'es vraiment une. Oui, mais en fait, c'est parce que. Tu engraines les gens. Tu engraines les gens. Oui, en fait, ça me fait tellement rire que je pense qu'elles sont contentes de faire ça parce que. Très bon public. Il n'y a rien de séducteur ou de. Non, de vous les voyez, faites partie du groupe. De toute façon, là, je vous les envoie. Toi, Mehdi? Ben, je réfléchis. Alors, Ça peut être des petits trucs, hein. Ouais, ça, non, en fait, bah, je sais pas. T'es pas obligé de péter une motoneige. Non, moi, moi, contrairement à JC, je bois de l'alcool. Le dos d'un pote. Tu bois un peu. Mais j'ai pas de bêtises. Quand je suis bourré, enfin, j'ai l'alcool assez festif. Ouais. Donc j'ai pas trop de trucs comme ça. Mais récemment, ça n'a rien à voir avec l'alcool pour le coup. J'ai failli me battre avec un flic. Wow. Ah oui, t'as ça vraiment tout rien, j'en sais. Et genre, je suis vraiment pas un bagarreur. Ouais. Mais c'était à Séville. J'étais en vacances à Séville avec avec la famille, quoi. Bah ouais. Et en fait, on avait un Airbnb et on avait loué une voiture. Il a dit Danny Dan, c'est de la merde. Non, pire. Et non, en fait, bref, pour en fait, on rentrait dans des petites rues où normalement les gens qui ne l'habitent pas. Dans ces rues n'ont pas le droit de venir, tu vois, c'est juste quand t'es habitant. Mais bref, et donc voilà, et moi, la proprio de l'appartement, elle veut donner un petit papier, mais en fait, t'as les flics qui nous arrêtent et qui nous disent, ben, y a que les habitants qui peuvent rentrer. Je lui montre le papier et le mec me dit, mais jamais de la vie, en fait. Et donc, il commence vraiment à hausser le ton. Et à ce moment-là, il y a ma fille qui est dans la voiture, il commence à pleurer parce qu'elle voit que le mec est relou. Bébé, elle a... ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est un bébé, elle avait 7 mois à ce moment-là, je crois. Et elle a déjà cette haine des flics. Déjà, la culture, tu vois. Steve not loving police. Bah, bien sûr. Quand ils sont arrivés, elle a fait cote. Voilà. Et en fait, elle pleurait, la pauvre, elle avait chaud, elle avait pas assez dormi parce qu'on avait beaucoup fait pas mal de route. Et à un moment, le flic me parle, il me parle en espagnol, moi je parle anglais, on se comprend pas. Et je sais pas, j'ai dû partir en lui disant. T'es idiot, en fait, tu vois, en anglais, évidemment, you're stupid. Et là, il a pété un câble. Ah ouais. Donc je suis parti, en fait, je me suis garé un peu plus loin. Et là, je suis sorti, quoi. Ah ouais. Et genre, on était vraiment genre c'est face GTA à face. Dans ma tête là. Non, mais c'était n'importe quoi. Et ma femme était furieuse contre moi. Ah elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, en fait. Ça me ressemble pas, genre, je suis vraiment pas un bagarreur. Je ne sais pas me battre. Oh ouais. Je pense que vous pouvez tous me prendre ici. Oh, je suis très mal aussi. C'est vrai. Oh, bon, ça pourrait être assez pathétique de filmer une bagarre entre nous. Deux mecs qui savent pas comment se mettre. Qui se poussent un peu, qui se tiennent le col un peu nul. Je vais y aller, ça va partir. La MMR, en fait. La MMR. Non, voilà, et donc finalement, on a réussi à rentrer parce que c'est ma belle-sœur qui était là aussi. Il a laissé ma belle-sœur conduire. Il m'a dit, toi, je vais plus te voir. Ah ouais. Donc j'ai dû prendre une autre rue voilà, et rentrer à pied. J'ai escaladé le façade, j'ai devenu. Mais vraiment, c'était assez chaud, quoi. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, comme ma. Tu connais ça maintenant, tu vois. Genre, comme ma fille était pas bien, moi, mon seul but, je m'en foutais de faire une garde à vue. Je voulais juste que ma fille rentre à l'appart et qu'elle dorme, tu vois, mais et qu'elle soit tranquille. Ça déclenche un vrai truc, ouais, fou, vraiment. Hein, quand même, les j'avais jamais réagi comme ça. Un truc de protection. Mmh. Exactement. J'ai comme insulté. Un lion avec sa lionçonne. Tout à fait. Sa lionçonne. Sa lionçonne, hein. Je sais pas, non, ça doit pas se dire. Bah, comment vous dites? Bébé lion. Je sais pas. Et ben, moi j'ai failli. Alors beaucoup moins impressionnant que toi. Oh, moi, je sais pas si j'étais impressionnant. J'étais juste énervé. Mais... tu vas voir, j'allais dire. Moi j'ai failli frapper une vieille. Donc vraiment c'était beaucoup moins. Putain, mais c'est n'importe non, mais quoi. Pas la frapper. Avant d'être père. Hein. Avant... bien oui, avant. J'avais 16 ans. Tiens, en Bourgogne on se fait chier. Hein. Y a beaucoup de frappes, non, mais ou pareil, une vieille. Non, j'allais pas la frapper. C'était juste pour le bon mot. Mais je passe en poussette. Et elle a un sac. Et clairement, elle essaie de passer. Et son sac tape dans la poussette. Donc pas grave, je suis pas un fou non plus. Et elle fait faites attention là. Alors là, chiant. Hélas, ça c'est pas moi, la gorge. Moi ça c'est patate. Hein. Ça c'est patate, c'est pas une. Et donc j'ai dit mais ferme ta gueule la vieille, nous casse pas les couilles. Voilà. J'ai une audace quand c'est une personne qui ne peut absolument pas se défendre. Bien sûr. Mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est exactement là où je voulais en venir. Cette personne, il avait un flic, il avait un gun. Il avait un gun. C'est déjà plus glorieux, tu vois. J'étais dans le 16e, elle avait sûrement un gun. Mais oui, mais je suis d'accord, c'est évidemment, la personne aurait eu moins de 65 ans, je n'y serais pas allé. Bien voilà. Sûr, n'aurais pas. La marge, elle est énorme. Même 56, si elle peut me battre. Ça peut être frais. Elle peut sinon, Lyonson, c'est correct. Hein. Oh, dur. Mais bon, c'est comme noté comme rare comme mot. Ils disent que c'est rare, mais on peut dire Lyonson. Voilà. C'est bon pour pas vexer, carrément, ils ont marqué. Je viens de modifier la fiche du mot Lyonson. Adrien, une petite dinguerie, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, mais moi, quand t'étais Ardos. Quand j'étais Ardos, dans les bagarres dans les bars, tout ça. Non, mais en vrai. Quand quelqu'un enlevait ta chanson au jukebox. De Metallica. Ouais. J'ai essayé d'appeler mon gosse. Non, j'ai rien qui me vient. J'ai pas de gros conneries comme ça. Je crois pas. Pas vraiment. C'est pas grave. Moi, j'ai assez. Enfin, t'es quand même à poil dans la moitié des sketchs. Ou en oui, caleçon. Mais ça, c'est le métier. C'est l'art. Ça, c'est l'art. Ça, c'est de l'art, madame. Ça, c'est de l'art. À Saint-Étienne, une mésaventure est arrivée à un enfant à qui on venait d'offrir un téléphone portable. À votre avis, quelle mésaventure lui est arrivée? C'est pas récité. Comment? Racketter? Non. Sinon, ce serait pas très rigolo. Oui, voilà, c'est banal aussi. Il s'est aperçu que. Et c'est moi qui l'ai racketté. Ça aussi, pareil, je pouvais le maîtriser. C'est ça qui devient rigolo. Ce téléphone avait d'autres capacités que d'appeler ou d'aller. Tu vois, c'était l'ancien portable de Jay-Z. Alors. Mais d'une célébrité. Non. Moi, je pense que le téléphone avait été utilisé avant et qu'il y avait un historique ou. Alors non, c'est pas ça. Non, Adrien est vraiment pas très loin. Ah, c'est un téléphone. Donc le numéro appartenait. Ah, du coup, il se fait appeler. C'est un téléphone qui était volé. Non, pas volé. Okay. Pas volé. Ancien numéro. Ancien de numéro. McFly ou Carlito qui, été, qui avait perdu un des suites. Qui ont changé 25 fois de numéro depuis. D'ailleurs, on va le donner. Ouais, oh là là, mais on déconne. Chips, mon pote. Non, c'est énorme. C'est le regard. Non, il a récupéré un numéro de téléphone qui appartenait à. C'est un peu gênant. Une célébrité. Pas une célébrité. Ah, un truc, une escorte. Exactement. L'opérateur attribuait au fils de 11 ans de ses clients, mécontent l'ancien numéro d'une escort girl. L'enfant recevait des disponibles. Quels sont les tarifs? Le garçon reçoit de nombreux messages grivois de la part d'hommes qui pensent contacter l'escort girl. Le malheureux aurait même reçu le cliché d'un homme nu. Comme le relate nos confrères du Progrès. Et c'était son père. Alors là, cela dit, le père dit cette fois-là, on a trouvé que c'était trop violent. Là, non, autant quand il dit viens, je vais te bouffer la chatte, ça va. Mais la photo de l'homme nu, là, vraiment. Mais j'aime bien le principe du gars qui envoie un nude à une escorte. Mec, faut juste payer en fait. T'as pas à la séduire, négocier. T'as eu mon corps et tout. Mec, paye-moi, c'est tout. En fait. Mais ça fait, t'avais trouvé un répertoire. Oui. Et ben, on en revient à McFly et Carlito. Exactement. On avait fait la clean walk. On en revient toujours à McFly. Bah oui. On avait fait une clean walk, c'était une vidéo. Dans le 19e arrondissement de Paris. On ramassait donc les papiers par terre. Je ramasse un papier et c'était une liste de prostituées de ou d'escortes avec les noms et les numéros de téléphone. Non. C'est la liste de la prostituée. Ah, je croyais que c'était le numéro des filles. Je croyais que c'était le numéro des clients. Non, c'était le numéro des filles. Comme quoi, il faut nettoyer les rues. Alors, je sais pas comment je savais que c'était. Mais il y avait un des détails. Rien à voir avec le fait que t'es appelé ou rien à voir. Non, aucun rapport. Ne mélangeons pas tout. Non, mais après, ce serait dommage. Ce serait fou d'imaginer ça. Non, ça me revient. Je crois que les prénoms étaient assez connotés. Non, mais il y avait. Ouais. Mais Non, je pense qu'il y avait marqué genre en dessous des spécificités physiques. Des trucs comme ça, entre parenthèses. D'accord, genre blonde, machin, etc. Et ok, Bonne ni blonde ni brune. Ouais, c'est assez révélateur sur les hommes que nous sommes. Non, Sympa. Observateur. Ouais. La Suède a dressé des animaux pour leur faire un geste écologique. Putain, vous parliez de la clean wall. Une quenelle, malheureusement. Voilà, mauvais geste, mais c'est pas écologique, je crois. Non, elle a dressé des animaux pour faire un geste écolo. À votre avis, quel animal? Des dauphins et ils ramassent des détritus dans la mer? Non. Bah oui, des petits singes qui ramasseraient des papiers ou des mégots. Alors en Suède. Non, les singes. Il doit y avoir des singes en Suède. Non, pas des cobras. Des chiens. Il doit y avoir des singes en Suède. Il doit y avoir des singes en Suède. Des zoos. On dirait un livre pas ouf d'Amélie Nothomb. Ouais. Il doit y avoir des singes en Nièvre. En Nièvre. J'ai raté tout. Bah, qu'est-ce que je te dis. Je m'en fous. Mais en Nièvre, ça marche bien aussi. J'ai de la mousse isolante dans la bouche. Je peux pas vous dire mieux. Comme dans la bite du mec. Comme dans la bite du mec. Ouais, il faut écouter le podcast. Ah, bah c'est un lore. Hein. On saute. Breaking Bad, hein. Tu sautes un épisode, t'es perdu. T'as plus aucune ref. Y'a plus rien. Des oiseaux. Oh là là, ramasser les papiers, les mettre dans la poubelle. Des pigeons. Alors. Les détritus, les mettre dans la poubelle. Ramasser des mégots. Tout simplement. Ah, mais ça c'est on bien. On les bouffer, enfin, faites pas ça. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est on les a dressés pour ramasser. Non, ils pensent que c'est de la nourriture et mais c'est oui. Tout, je pense. Alors, quel oiseau selon les vous? Des corbeaux, bien sûr, ou des corneilles. Des corbeaux, exactement. Des corbeaux. Alors, pourquoi tu penses aux corbeaux? Très intelligent. Exactement. Ce sont des oiseaux extrêmement intelligents. Et apparemment, ils ont été dressés pour ramasser tout simplement les. Mais ils les jettent dans la poubelle après? Ils les avalent, je crois que c'est donc. Bah, je pense qu'ils doivent les jeter. Ils jettent des corbeaux dans la poubelle. Ils se jettent. Moi, je suis en Suède, j'ai vu. Tu vois des poubelles remplies de corbeaux. C'est un bordel. C'est horrible. Cette espèce est en effet réputée pour son intelligence et ne risque pas de manger les déchets par erreur. C'est ça. Alors que les autres oiseaux aussi. L'intervention des corbeaux pourrait permettre d'économiser plus de 75% des coûts liés au ramassage de mégots en milieu urbain. L'expérience doit se poursuivre pour confirmer l'efficacité des oiseaux sur ce type particulier de déchets. Outre l'apprentissage, la start-up s'assure que la santé des corbeaux participants n'est pas impactée par ce ramassage, les mégots pouvant effectivement contenir des produits nocifs sans deck. Plus efficace, ils devraient dresser des gorilles pour mettre une patate aux gens qui jettent leurs mégots, je trouve. Parce que sinon, là, les gens vont continuer de les jeter. Ils vont se dire il y a des corbeaux. Faut le mal à la source. Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui ne prenait pas mal. Moi, je suis un peu un relou. Comme vous pouvez le voir, je suis le mec le plus cool du monde. Quand je vois quelqu'un jeter un mégot, je fais le mégot là. Une vieille. Si elle a moins de 65 ans, c'est une vieille, ça m'angoisse. Si c'est pas une vieille, ça m'angoisse. Non, vraiment. Alors pour le coup, non, justement, un peu tout le monde. Je m'en fous un peu. Juste, je trouve ça vraiment dégueulasse, surtout dans une ville comme Paris où il y a vraiment une poubelle tous les mètres à peu près. Et ça ne m'est jamais avec quelqu'un fait. Oui, pardon. Vraiment à chaque fois, c'est ça va. Enfin, c'est vraiment. Les gens sont toujours horribles. Ils ont vraiment un truc. Ils aiment faire ça en fait. Je crois que c'est parti de la panoplie du fumeur de jeter le mégot. C'est un, c'est cool. Un peu le truc un peu stylé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est stylé. Genre, ça fait partie du. Si tu le jettes sur une flaque d'essence et ça fait exploser une voiture. Et tu regardes pas l'explosion, ouais, tu continues de marcher. Évidemment. Je pense qu'il y a un peu ça dans leur tête. Mais une fois, j'ai eu une poussée de courage comme ça avec un mec. Alors, je sais même pas le profil. Mais genre, on était en voiture, le mec il ouvre la fenêtre, il jette son mégot. Tu sais, moi je fais. Je klaxonne. Il me regarde, il fait quoi? Je fais. Bah, j'ai pas, je sais pas, c'est ma prise. Je fais le feu, il est vert, faut peut-être. C'est génial la descente tous les. Ouais, non, ouais, pardon. Je, voilà. Je sais pas ce qu'il m'a pris là, tu vois. Le Hamas. Ah oui, je parle du Hamas. Affirme avoir capturé une arme secrète appartenant à Israël. Je sais pas qu'on parle du houmous. À votre. Non. Moi, je préfère. Ouais. Non, ils ont capturé une arme secrête appartenant à Israël. Un animal, un c'est un animal. Il y a un animal, à votre avis, laquelle? Un singe. Alors, c'est pas un singe. Un animal qu'on trouve facilement en Israël? Non, non, pas du tout. Après, j'y suis jamais allé en Israël, mais je crois pas. Un corbeau? Un ours? Pas un corbeau, pas un ours. Est-ce que c'est un animal terrestre? Non. Un dauphin? Alors, ce sont des dauphins. Ah. Mais pas n'importe quel dauphin. Ouais, ouais, ouais. Mais moi j'ai la réponse à l'avance, hein, vous savez pas. Ah, tu prépares les questions. J'ai interverti, mais. Un dauphin très rapide, genre. Alors non. Qui a des nageoires Nike. Qui nage vite. T'as vu mes nageoires qui nagent vite? Non, non, non. C'est pas fini, juste. Non, c'est les dauphins. Okay, ils font quoi les dauphins? Ils communiquent en faisant des sons là. Ils ont du comme dans Echo le dauphin, ah, sur oui, Mega Drive. Alors non, ah, pas oui, par les dauphins télépathes. Oui. Non, c'est pas ça. Ils percent les. Ils percent des choses avec leur. Non, avec leur bec. Leur nez. Non, je sais pas. C'est pas don. Mais c'est débile, ils mangent des trucs et puis ils font caca. Mais me parle pas comme ça, écoute. Non, non, pas du tout. Ils distraient les militaires en faisant des petites acrobaties. Trop mignon, incroyable. Ah, mais c'est on est des dauphins, je sais pas, carnivores quoi. Non. Dressés à manger des hommes. Non, mais. À tuer des hommes. T'es presque le. Bah alors, vous êtes. Et les noix. Les dauphins noient les gens. Oui, pour les violer. Pas que ouais. Pour les tuer après. Le ici. Dauphin est violeur. Ouais, le oui. Dauphin est violeur. Méfiez-vous des apparences. Une ambiance dans l'océan. Sous l'océan, c'est pas sous l'océan. Oh mon dieu, le dauphin gueule. C'est pour ça que la petite sirène veut se barrer. Elle fait non, ça va. Ah, le bol, les dauphins harceleurs. Et Narilana aussi d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, il a une rêve pour toutes les générations. Oh, voilà, voilà, on est vieux. Est-ce qu'il y a une histoire de sirène qui kiffe sa vie dans l'eau ou ça n'existe pas? Je crois pas, hein. C'est vraiment pas si fou, je pense. Parce que vraiment, les humains, on est tellement centrés sur nous-mêmes, quoi. C'est vrai. Ils peuvent pas kiffer. Il y a que Bob l'éponge qui est genre qui est bien, quoi. Ouais, mais. Je pense non, mais il est bien ça... sous l'eau, tous les autres ils veulent sortir. Nemo, vrai, Nemo il est bien. Ouais, bah après c'est un poisson, il vraiment meurt. C'est vrai. En effet. C'est une version très courte de Nemo quoi. Je m'en fous, je fais sur Terre. Oh non, je regrette. 17 secondes. En Vine. Oh putain. Non, ils ont un petit truc en plus, ces dauphins. Ils parlent, ils comprennent. Non, ils parlent pas. Ils assomment les gens. Ils rappent. Non, ils désarment. Ah, ils brouillent. Non, ils désarment. Non, pas ils désarment. Est-ce qu'ils ils brouillent les signaux? Ah, les sous-marins. Ouais, un truc comme ça. Non. Ils mettent des patates au bateau. Je fais. Ils hurlent. On est vraiment en train de mettre des dauphins face à un sous-marin. Quel serait le hurlement du dauphin, par exemple? Non, mais je demande. Ah oui, voilà. Non mais. Ça va. Ouais, ouais. Alors. Non. J'imagine, hein, c'est moi, vous savez, comme tout à l'heure, j'imagine des. Ouais. Très fertile. En gros, l'armée. Je vais vous donner la réponse. Nah, l'armée israélienne pas posséderait une flotte. Jouer 5 heures. Posséderait une flotte de sous-marins de classe dauphin. Alors, déjà, j'adore la formulation. Le mouvement affirme qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment naval, mais d'un véritable mammifère. C'est ça que j'aime bien. Qu'est-ce que vous entendez par classe dauphin? C'est des dauphins. On aurait pu dire des dauphins. Mais et en gros, des navires de classe dauphin. Et en gros, on est un peu dans des jouets pour enfants, puisqu'en fait, il s'agit de dauphins avec des fusils harpons. Un dauphin, un jumbo, Israël a développé plein de trucs autour des animaux, quoi. Des animaux, des animaux qui peuvent faire la guerre en tout cas. Ouais, c'est fou. Et Vas-y. Non mais comment ils déclenchent le harpon? Genre ils font avec leur nageoire, ils font allez, celui-là, je lui tire dessus. Moi je pense que c'est par télépathie. Il y a un truc avec la télépathie. Ils ont des électrodes. Je pense que c'est télécommandé. Je pense que c'est. Ils ont une petite caméra aussi, quoi, sur les dauphins, j'imagine. Potentiellement. Il manque malheureusement. Mais du coup, faites des petits sous-marins, je sais pas. Faut, mais voilà. Au bout d'un moment. Mettre leur ça, en plus, tu peux choisir où il va, quoi. Alors, là, c'est un peu aléatoire, le dauphin. Il se balade et puis en fait, il est figurant. C'est vraiment un figurant, le dauphin dans l'histoire. Il est juste là. Il veut juste manger des poissons. Mais non, mais va sur les gens. Ah, moi je pense que c'est aussi pour épater la galerie, tu vois. Oui, genre, nous on a des dauphins. Oui. Mais alors le souci c'est que ce dauphin, enfin un de ces dauphins a quand même tué un plongeur. C'est-à-dire qu'il y a un plongeur qui est arrivé au paradis ou en enfer. Il lui a dit comment t'es mort. Et ben un dauphin m'a harponné. J'ai été aussi surpris que vous, il a dit à Saint-Pierre. Même là où ils ont fait, bah, attends c'est pas dans les registres. Non là, là c'est paradis pas, ou enfer. Là on sait pas où ça va. Restez ici 2-3 ans. En attendant qu'on. Attendrez de voir, mais. C'est très long l'administration en plus donc. Alors c'est pas le seul pays à faire ça. Il faut savoir que les États-Unis dans les années 60. Ils ont expérimenté avec beaucoup d'animaux, je crois. Alors il y a ça, mais ils disposent d'un mammal program, et c'est-à-dire que c'est des dauphins et des lions de mer qui sont entraînés, alors non pas avec des les oies aussi. Ah ouais. Ouais, il me semble. Avec des mitraillettes greffées sur la tête. Non, mais il y a eu un truc avec des oies. Faudra que je retrouve. Mais... Bah, en tout cas, la Navy Mammal Program, c'est des dauphins et donc des lions de mer qui sont dressés pour détecter des mines. Donc c'est pas exactement pareil. Les poissons de combat ne sont pas qu'une relique des expérimentations militaires de la guerre froide. C'est surtout à l'époque que les gens faisaient ça. En 2019, des pêcheurs norvégiens sont tombés au large de leur côte sur un beluga équipé pardon, d'un harnais, manifestement échappé d'une base de la marine russe. Donc c'est-à-dire que tous les pays ont des mammifères avec des armes à feu. Donc j'aime beaucoup. Les animaux, je pense qu'on cherche vraiment tous les moyens de les exploiter, mais vraiment ça, au maximum. Au max, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? L'année précédente. Mets un harnais sur lui, ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais ce si c'est humiliant, fais-le. Je veux le voir se battre dans un sous-marin. C'est mon kiff, ok. Voilà, non, je suis multimillionnaire. Voilà, je veux une armée de dauphins, c'est quand même clair. Donnez-moi des cobras là. J'en ai coupé en dessin. Et alors, sachant que le beluga avec le harnais, c'était dans la marine russe à Mourmansk, et c'est dans cette même marine russe, ou dans cette base militaire, qu'on a vu des photos d'un phoque dompté avec une caméra. Bon, allez. Non, mais... Et pour faire des vlogs uniquement. Hein. Vraiment des phoques youtubeurs. Bah, je crois qu'il faisait partie de la team Crouton d'ailleurs. Non, il me semble qu'il en faisait partie. Chers amis, on va passer à la deuxième partie de l'émission, puisque j'ai dit aux gens que vous étiez invités, alors ça leur a déclenché une certaine curiosité. Ils ont des questions à vous poser. Typiquement, Gilsy, par exemple, est-ce que tu peux nous parler des multiples fois où tu t'es pissé dessus? Parce qu'apparemment, tu es quelqu'un qui est célèbre. Depuis le début de l'émission. Alors là, on en a deux. Une sur le trajet, une. Dans le YouTube game, tu es connu pour l'être l'homme qui pisse dessus. Ça, c'est fou. En plus. En fait, non, il y a un contexte de fou qu'il faut prendre en compte. Je t'en supplie, généralement. Ça nous arrangerait. C'est peut-être une malédiction parce que t'as terrorisé des vieux dans un. Ah, du coup, tu as hérité de leur. J'ai chopé leur incontinence. Non, il y a déjà il y a le fait drôle, que putain. Non, attends, non, elles sont toutes dedans depuis le début. Non, déjà j'ai ce truc de ma vessie est minuscule. C'est-à-dire que là, j'ai envie de pisser mais genre abusé. Ah mais vas-y hein, tu sais, tu pourrais. Comment tu le sais? Bon bah j'y vais. Non, fini mais tu pourrais y aller. Dis quoi? Comment tu le sais? De quoi qu'elle est minuscule? Oui. J'ai fait une radio. Ah carrément. Ouais, ouais. J'ai fait des radios. Arrête, continue. Fais pas ça. Non, mais c'est genre en une heure je peux avoir envie de pisser mais genre vénère 3 fois. Putain, 3 4 fois. Moi aussi ça peut m'arriver. La nuit tu pisses beaucoup. Et c'est trop bizarre parce que la nuit je me lève pas du tout. Ah, je pisse au lit. Je me lève la nuit. Moi je me dis. Moi aussi une à deux fois. Ah, deux fois quand même. Moi jamais deux fois mais une fois quasiment sûr. Ah, c'est toutes les nuits depuis genre 20 ans quoi. Ah, non, moi c'est pareil. Vraiment, je peux dormir 13 heures que pendant 13 heures je me réveille pas. Ah, ça, c'est, t'as précisé depuis 20 ans pour pas qu'on dise oui mais c'est parce qu'il est vieux. T'as dit non depuis 20 ans. Hein. Non, je suis vieux. Alors tu sais que tu peux acheter, c'est ce qu'a acheté McFly. Une vessie. Non, McFly, tu peux te faire opérer. Ah, tu peux Poucave. Ah non, mais je peux Poucave, il va le dire dans une vidéo qui va sortir dans quelques temps. Ok, d'accord. Oh, donc c'est un teasing. Il a une gourde à pisse. Ah mais je sais, un pistolet. Il m'en avait parlé. Un pistolet comme à l'hôpital quoi. Oui, enfin oui, mais c'est un truc que tu déplies et tu peux. Que je m'étais renversé dessus quand j'étais à l'hôpital quand j'étais gosse. Ah ouais. Ouais, ouais. Voilà. Putain, t'as fait un vœu. Je crois qu'il faut faire un vœu quand ça arrive. Bon, j'ai fait le vœu que quelqu'un vienne vite me nettoyer. J'ai réalisé. Oui. Non, et tu peux l'acheter sur Amazon et ouais, c'est un truc que tu es et du coup t'as pas besoin de te lever, tu mets comme ça. Mais pourquoi il a fait ça? Bah parce qu'il a le même problème, il se lève beaucoup de fois la nuit pour aller pisser. Et en fait, lui-même il racontait que sa meuf, c'est sa meuf qui lui a dit franchement fais ça parce que ça la réveille quoi. Enfin genre il se lève tous les mille fois pour aller pisser. Ouais, mais tiens dans ce cas de figure là, ok, parce que ça te dérange la nuit. Ouais. Moi c'est la journée, je suis conscient. Oui. Tu vois, genre. Et en fait il y a ce truc de, ça a commencé sur le Mont Blanc. Ouais. Parce que c'était dans un effort vraiment beaucoup et tout. Et en fait j'ai forcé. Et j'ai c'est sorti. Bah ouais. Tu vois. Et du coup, et moi, comme je pensais que le soir il y avait des douches et qu'on pouvait laver nos vêtements, je me suis dit bon, vas-y, nique sa mère. Et j'ai laissé couler. Parce que déjà, genre relou, j'étais harnaché de partout. Bah oui, j'imagine. Galère, j'ai dit. Et quel bonheur. Et quel bonheur. Franchement, c'est un peu stylé. J'ai envie d'essayer. C'est un peu stylé. De pisser dessus. T'es là. Bah ouais, je sais pas. De pisser, genre, t'as jamais pissé. Non, mais. Moi, juste pisser dans la mer avec un maillot de bain, de se pisser. Enfin, il y a un truc mental qui bloque un peu. Tu sais, tu dis, j'ai un truc autour de moi, c'est bizarre de pisser. Et quand tu pisses. Et tu te sens vraiment. Tu te dis là, j'ai un truc de fou. Je vais faire ça en tranchant moi. C'est une madeleine de Proust. Il y a un petit plaisir d'enfant de se pisser dessus. Mais oui, je te jure, il y a ce truc là. T'es là, il y a les Alpes, montagnes et tout. Tout, tu pisses. Tu pisses, t'as pas besoin de te. Mais bien sûr. Non, mais tu vois, du coup, ça. Et sauf qu'après, pendant l'aventure, après, c'était vraiment la décadence. Parce que une fois que oui, ton cerveau, il y a eu ce déclic. Bah ouais, non, surtout qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. Donc en fait, pendant 5 jours, je suis obligé de garder les mêmes vêtements. Ouais, pendant c'est l'aventure, mort. Je fais frère, ça y est, foutu pour foutu maintenant. Allez, quoi. Oui, donc et là, t'es en train de développer une habitude en fait. Et en fait, une habitude, une addiction. Peut-être même une addiction. Et maintenant, je peux me donner des moments et me dire putain, j'ai envie de me pisser dessus, quoi. Genre, là, ça serait rigolerie. Alors, ça serait rigolerie. Les chiottes sont là-bas. En tout cas, c'est juste là, s'il te plaît, vas-y. Si tu peux aller là. Mais en vrai, par contre, très honnêtement, tu peux y aller pendant l'émission. Ok, ça marche. Vas-y, dès que t'as envie. Dès que t'as envie. Un petit moment, je parle pas, j'y vais. Question pour Mehdi. Oui. Alors, je te l'ai posé en hors antenne, mais voilà, des auditeurs se posent la question. Quand est-ce que tu vas reprendre Tier List? Vas-tu reprendre Tier List? Pourquoi Tier List s'est arrêté? Des fans de l'émission, j'en ai reçu quand même 4 ou 5 messages. Je tiens à dire, il y a vraiment des grands fans de l'émission. On reçoit, parce que je la faisais pas toute seule. Tout seul? Oula! Il a trucé déjà en 2022. T'as une fille! Lyonson! Ouais, je suis une femme mexicaine de 56 ans et je vous emmerde en fait. J'ai le droit, je fais ce que je veux. C'est vrai, c'est la vie, c'est vrai. Je m'appelle Doria en fait, non? Tu m'as appelé Doria. Donc on était produits, donc on était 4 à faire ce programme là. Donc effectivement, on reçoit tous beaucoup de messages par rapport à ça. Et d'ailleurs, merci parce que vous avez parlé très tôt, vous, du podcast. Bien sûr. Ça nous a fait très plaisir. Et Sandra, du podcast, vous aime beaucoup. Voilà, je vous le dis. Elle ne loupe aucun épisode du podcast, oui, contrairement à moi qui n'en écoute jamais. Bah, aussi, oui. J'ai vu qu'on était dans son récap Spotify. Ouais, et tout. Mais oui, exactement. Il faudrait qu'on l'invite, mais elle n'est pas sur Paris. Mais si un jour elle est sur Paris. Maintenant, si, régulièrement. Elle était vachement à Lyon, mais maintenant elle est très souvent sur Paris. Pourquoi pas, voilà. Mais moi, je pensais qu'on pourrait faire un podcast avec les gens de Tier List. Bah, carrément, avec grand plaisir. Mais là, en fait, c'est vrai qu'on a arrêté uniquement parce qu'on est un peu assisté. Et donc moi j'ai pas de matos chez moi et tout, j'ai toujours bossé avec des studios, on bossait avec Studio Majorel qui a arrêté de produire des podcasts pour des raisons je pense financières, ils voulaient faire autre chose. Et du coup on a juste eu la flemme de reprendre, aussi parce qu'on a tous les quatre pas mal de trucs bien sûr, à côté. Donc on a vraiment, enfin nous c'était un plaisir de ouf à le faire, on en reparle souvent avec Yerim etc. quand on se voit, avec Nifa, avec Sandra, je pense qu'on le reprendra, mais par contre je sais vraiment pas quand. Et ça va dépendre de nous, est-ce qu'on se motive à le faire nous-mêmes ou est-ce qu'on essaye de le faire avec quelqu'un d'autre, avec d'autres, un autre studio, tu vois, qui pourrait nous accompagner. Mais voilà, en fait, comme on est tous très pris, on n'a pas vraiment. Ça nous a fait du bien, je pense, de faire un an de pause. Ouais. Et, parce que c'était du taf, en fait. C'est, en plus, il y avait 5 albums chaque semaine, c'était énorme en vrai. Ouais. Et on avait grave sous-estimé ça. Pour nous, c'était un podcast à la cool entre fans de rap. Ouais. Et en fait, c'est très vite devenu un taf. Ouais, ouais, bah, comme ici. Exactement. Ouais. Et du coup, ça c'était du taf en plus de. Voilà. Donc, mais. On y pense, et merci pour les messages, et merci pour l'intérêt. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas un podcast d'actu, donc vous pouvez là vous écouter tous les épisodes. Oui, en fait, oui, c'est toi avec tes 3 acolytes qui classaient des albums de rap français. Oui, oui, oui. Le classement étant un prétexte, évidemment. Pour discuter. Voilà, exactement. Ouais. Et c'était, on peut le dire aussi, c'est clairement inspiré de Super Ciné Battle. Bien sûr. Un podcast sur le cinéma où les mecs classent tous les films depuis le début de l'humanité. Ouais, c'est ça. Modo. Et on s'en fout du classement, en fait. Je sais même pas qui est premier, c'est juste, c'est un prétexte pour découvrir plein de films, mais c'est vraiment ce que je voulais faire avec les albums où tu peux aussi bien écouter un album de Doudou Mastad 2002 que personne n'a écouté, que parler de West Side de Booba, tu vois. Bien sûr. Donc c'est ça vraiment le projet du podcast, ouais. Et en plus c'est vachement cool parce qu'en podcast du coup tu peux écouter l'émission et directement passer à l'album. Absolument, sur les Merci du streaming. Sur le streaming, voilà, grâce au streaming. Merci. Justine Le Potier, j'ai c'est adoré moi. Ton court-métrage Je suis ton père. Oh, bah c'est gentil. Alors est-ce qu'il est disponible quelque part? Pas encore. Pas encore. Pas il encore. Il fait encore le tour des festivals, des trucs et comme ça. Et il est encore en fait, il appartient à des chaînes télé. D'accord. Et il faut attendre en fait que les droits d'exclusivité finissent. Mais quand ça finit pour une chaîne, ça recommence sur une autre. Donc d'accord. Là, on est encore en France Télé. Ok. Après, on est chez HBO Europe, les gars. Allez. Wow. T'es Game of Thrones. Vide, ouais, on a le même patron. Et après, on va chez Ciné Plus. Et après, on va chez. Enfin bon, moins bref. Ouais, ouais. Ça va pas être. Donc ouais, ça va pas être maintenant. Mais non, là, la personne a dû le voir, j'imagine, parce qu'il s'est passé sur Histoire courte, c'est ça, sur France 2. Ouais. Voilà, c'est il ça. Il a été en replay pendant un petit. Exactement. Temps. Ça veut dire que là, si on veut le voir, on peut pas en fait, à cause de. Mais tu m'appelles. Mais je t'envoie un petit lien. Elle a le cœur sur la main. Et donc, qu'est-ce que tu comptes en faire d'autres? C'était la question. Oui, je compte en faire d'autres, mais en fait, Je suis ton père. Il s'est fait très vite parce que les financements sont arrivés. Moi-même, je n'en revenais pas. Je me disais, mais en fait, c'est très simple de faire un court métrage. Génial, la chance du débutant. Bien sûr. Puisque le deuxième est très long à monter et on se prend des murs un peu pour l'instant. Gilsy, est-ce que comment tu récupères physiquement et mentalement? On en a un petit peu parlé, mais comment vous avez récupéré physiquement et mentalement après avoir gravi le Mont Blanc? Ça a été beaucoup plus compliqué de récupérer mentalement que physiquement. D'accord. Parce que physiquement, bon, en fait, tu fais pas grand chose, tu te reposes et ça passe, quoi, tu vois. Ouais. Tu fais pipi. Mais, tu fais pipi, tu fais essentiellement. Essentiellement de la piste. Hein. Ouais, c'est ça. Mais physiquement, ça va, c'est juste qu'on s'est blessé, donc le temps que la blessure passe, ça va. Mais non, mentalement, nous, on n'a pas, contrairement genre au vélo, quand on est arrivé genre, à la Tour Eiffel, on était en mode waouh, incroyable. Tu vois, là, quand on est arrivé en haut, fou, sauf qu'en fait, tu restes 4 minutes et après, il faut redescendre parce que t'as l'altitude, machin, et tu redescends encore 1200 mètres et tout. Là, en plus, on s'est blessé derrière tout. Donc, en fait, nous, l'aventure, on l'a pas du tout aimé. Tu vois, C'est marrant. Voilà. Et en fait, nous, de base, on n'est pas du tout, on n'est pas fan d'alpinisme ou d'escalade, c'est pas notre délire. On s'est juste lancé le défi. Et du coup, quand on a fini, on est en mode putain, enfin, c'est fini quoi. Et pas de plaisir Sur le moment. Et vraiment, même, même un mois et demi, deux mois après. Quand les gens ils nous demandaient en privé et tout, là, c'est bon, on en parle un peu rapidement et tout, on a dit c'est bon. En fait, notre manière de nous en remettre, c'était de pas trop en parler, de laisser passer le truc. C'est ouf. Et on a commencé à apprécier quand on a lancé les épisodes sur YouTube, qu'on a fait une avant-première au cinéma. Là, avec les gens dans la salle qui réagissent en direct sur le truc, là c'était incroyable. Et là, on a commencé à dire putain, en fait, c'est fou ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment stylé. Et là, on a commencé à vraiment apprécier, tu vois. Mais pendant les 2-3 mois qui ont suivi, mentalement, c'était compliqué parce qu'il y a eu une sorte de trauma un peu chelou, tu vois. Parce que vraiment, on s'est lancé dans un monde. Contrairement au vélo, bon voilà, on sait faire du vélo, c'est juste long et dur. Là, si tu sais pas faire, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, tu rentres dans un truc professionnel. J'y ai pensé aussi, Titre. C'est long et dur. Mais enfin, de quoi? C'est long et dur. On a regardé. Je t'ai vu dans mon champ de vision. Moi, je l'ai regardé, mais pas regardé. T'as regardé toi. Mais j'étais étonné que tu répondes pas. Oui, que tu réagisses pas. Ça va. Je respecte quand même. Je suis en train de parler d'un traumatisme. Ouais, mais ça ressemble à la bite quand même. Pardon. Il y a des priorités. Il y a la bite. Si tout le monde s'en bat les couilles de toute façon. Arrête. Tu rigoles. C'est la deuxième question pour toi. Pisse-toi dessus devant nous et arrête. Non. Mentalement, c'était dur parce que vraiment c'était en fait c'était trop compliqué, tu vois, genre pendant le truc on se disait si on avait su que c'était ça, c'est sûr on aurait trouvé un autre défi. C'est sûr. Donc là par exemple, enfin je sens, tu me dis si je spoil, dis-moi. Mais aucune envie de faire un mont plus haut par exemple? Alors les monts, non. Moi en vrai, si tu veux que je te parle sérieux, j'ai voulu faire le mont Everest avant déjà, et j'ai voulu le faire après parce que je me dis bon, nique sa mère, même si je déteste le fait de faire plus haut, c'est incroyable. Maintenant, on peut faire le mont Everest. Et tout le monde m'a dit, frérot, non, c'est bon là. Sacha qui fait les trucs avec moi, il m'a dit, bah moi je viendrai pas, tu peux être sûr. Ah ouais, d'accord. Je me retrouve tout seul à faire le c'est moins marrant. C'est moins drôle. Et surtout que, non, en parlant un peu plus approfondi et tout, non, je suis pas capable. C'est impossible de pouvoir. Et Kilimandjaro, truc comme ça. Mais Kilimandjaro, je pourrais, parce que c'est vraiment de la randonnée, tu vois. Mais le Mont Everest qui touche à de l'alpinisme, vraiment. Déjà le Mont Blanc, c'est déjà assez costaud, mais alors le Mont Everest, c'est, tu vois, genre, tu dois mettre les trucs de gaz et tout, enfin, t'as d'oxygène, tout pour. C'est une galère, tu vois. Donc, non, le Mont Blanc, tout ce qui est mont et tout, moi j'arrête. C'est, tu vois. Non, c'est bon. Tout ce qui est mont, s'il y a mont, dès qu'il y a mont, j'arrête. Manger du mont d'or et tout, j'arrête. C'est mort. Non, mais moi, déjà, le Sacré-Cœur, j'ai la flemme, donc je peux comprendre complètement que c'est. Ah ouais, déjà, j'ai vu 3 étages sur le truc, j'ai vu un ascenseur, j'ai fait putain. J'aurais dû envoyer un message à Adrien, frérot, je ne viens pas. Non, mais ouais, non, psychologiquement, mentalement, c'était plus dur, quand même plus dur. Mais on va faire pire. Il te manque l'état d'esprit polé, je pense. C'est ça qui t'a manqué. C'est ça qui manque. Si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai. Question pour Mehdi, j'ai l'impression. Ça a sonné ? Non, je suis fou. T'es fou. C'est le verre, pardon. Mais dis, j'ai l'impression que. Non, mais t'es fou. Que le t'es vraiment pas genre, c'est normal. C'est vraiment malade, quoi. Tu vas être interné à la fin de cette émission, en fait. Voilà. En fait, c'est tout. Mais mettez-moi une camisole, en fait. Mettez-moi un petit entonnoir. T'as je un entonnoir, je le mets sur ma tête. Une question pour Mehdi. J'ai l'impression que tes interviews, le code, font de plus en plus de vues sur YouTube. Est-ce que tu as envie de faire évoluer ce format, faire peut-être d'autres émissions avec Apple ? Un long métrage. Audio. Non. Non. Pas de long métrage. Par contre, oui, il y aura d'autres formats qui vont. Les interviews vont continuer parce que c'est ce que je préfère faire, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Ce qui est, après, ça fait plus de vues. Oui, elle marche bien en ce moment, mais il faut aussi. Enfin, quand tu fais Vald, Nino, ça marche globalement sur YouTube. Mais c'est aussi un message que je veux faire passer, c'est que je veux aussi faire d'autres artistes moins moins gros, quoi. Tu vois, aussi laisser la place à des gens un peu plus confidentiels. Parce mais que c'est ça, ça va être le truc très cool de justement peut-être amener des gens avec des rappeurs très connus et les gens viennent parce qu'ils kiffent l'interview. C'était aussi ça, l'ambition, c'était aussi vraiment d'installer le programme avec ben, forcément des gens qui te permettent d'installer un programme, donc des gros noms, mais voilà, d'avoir un équilibre sur les invités. Et par contre, oui, il y a d'autres formats d'émissions qui vont arriver. Sans trop spoiler, mais voilà, la partie talk, ce qu'on est en train de faire, ce que je faisais sur Tier List, etc., ce que je faisais sur No Fun, c'est quand même un truc que j'aime bien faire. Donc, il va y avoir du talk qui devrait arriver dans l'année aussi, toujours sur Apple. Voilà. Et, mais voilà. Et il y a aussi le Mousecast, on peut en parler. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, oui. Qui est un prétexte chaîne. Juste pour parler d'autre chose que de rap. Ouais. Voilà, donc ça me permet de parler de cinéma, de. Bon, un peu de rap aussi, mais de sport. Enfin, voilà, juste de faire des trucs. Car un talk pareil avec plusieurs invités. C'est purement un talk qui est vraiment un format très podcast, très très simple. Ouais, ouais. Et c'est vraiment un prétexte pour soit inviter des gens que j'aime, dont j'aime bien le boulot, Soit parler de thèmes dont j'ai pas vraiment la place pour en parler ailleurs. Parce que globalement, moi je parle que de rap, c'est un peu ma vie quoi. Mais d'autres choses m'intéressent, comme le cinéma, le sport ou. Les fringues. Ou les fringues, c'est vrai. C'est vrai que t'es un sapeur. Ou les flics. Non, je suis pas du tout un sapeur, mais surtout aujourd'hui là. Mais ouais, non, j'aime bien. Bah, ça m'intéresse. Magnifique. Magnifique. Question pour Adrien. Quoi ouais, encore oui. Laissez-moi un peu. Peux-tu nous parler de ton expérience sur le tournage de Lou? Parce que. Oh la vache. Bah oui, c'était il y a longtemps. Je sais pas s'il est sorti quelque part, mais j'ai eu deux questions sur Lou, ou quelqu'un qui était très intéressé par ce sujet. Mais peut-être qu'il est passé à la télé ou un truc comme ça. Est-ce que. Non, mais parce que j'en parle dans le dernier podcast. Ah fait, bah ça doit sûrement. Être ça. Bah voilà. Non, expérience. Bah en fait, c'était l'époque. Alors. Pour, c'est un film adapté de la BD de Julien Niel, Lou. Julien Niel qui est un pote à moi, que j'ai connu parce que de mon ancien métier qui était illustrateur et dessinateur de BD. Et c'est l'époque où je faisais des vines et je commençais à faire des sketchs chez Golden Moustache et tout, et ça le faisait marrer. Et du coup, quand il a adapté sa BD en film, il m'a dit, bah vas-y, viens, est-ce que tu veux faire un petit rôle dans le film? Donc j'ai dit oui, évidemment. Et non, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'était la différence de rythme entre les tournages Golden Moustache et en tout cas ce tournage cinéma, parce que bon, qui est purement lié aux moyens en fait, mais un tournage Golden Moustache, c'est tu commences extrêmement tôt, tu tournes comme un ouf et tu finis extrêmement tard et tu optimises à fond, enfin tu cales un énorme tournage en une seule journée et tout. Et là, c'était un rythme où j'arrive dans les studios. Déjà, le rendez-vous est à 10h30, je crois, ce qui est impensable chez Golden. C'était genre. Alors, tu dois être à 7h à Ivry. Ah, ok, cool. Ah, bah, c'était Jill C. T'as imité une émission et c'était avec cette voix-là. J'ai vu que t'étais en retard, en fait. Je vais parler comme ça. La voix est devenue comme ça. T'es hélas obligé maintenant, actuellement. La voix a muté comme ça, malheureusement. Non, et donc, on arrive à 10h30. On me maquillait, on me m'habillait, etc. Et ensuite, on ne tourne pas encore. On fait la pause déj. Et après la pause déj. Elle va pas saloper le costume. Hein. Non, et après, tu tournes. Donc, c'était vraiment un rythme complètement différent des tournages Golden. Mais kiffant ou frustrant? Parce que tu peux aussi avoir ce truc de. Bah, vas-y, on tourne là. Ouais. En vrai. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est. J'ai besoin d'être dans un rythme. Ouais. Et des fois, c'est vraiment. C'est trop lent. Quand il y a trop d'attente, tu fais oh merde, putain, je suis en train de. C'est ce que disent souvent les comédiens et comédiennes, c'est qu'en fait, sur un plateau de tournage, ils passent leur temps à attendre, quoi. Sur un plateau de cinéma, souvent ils disent ça, c'est qu'ils se font chier, en fait. Oui, voilà, mais en fait, il y a toujours une partie d'attente, même quand t'as un. Sur Groom, j'étais un des rôles principaux, il y a beaucoup d'attente. Ouais. Mais en fait, quand t'es. Comme là, le tournage que j'ai fait hier, où j'ai. Une scène vraiment t'attends et tu dois être dans l'énergie bam direct et après c'est fini. C'est ça que je trouve le plus difficile moi tu fais que attendre et d'un coup t'as trois prises. Non mais voilà, heureusement que vous êtes payé des millions mais voilà, régale. Mais sinon c'est vrai que tu fais que attendre et après t'as 3-4 prises des fois moins parce qu'on dit pas le temps. C'est horrible. Mais là pour le coup c'était plutôt cool, ça va, enfin c'était bien géré l'attente et tout, donc voilà. Non mais sinon c'était sympa, mais il y a c'était la grosse différence, c'était ça, le rythme. Ouais, ouais. Voilà. Avant de nous quitter, alors il y aura les recommandations. Oh non. Bah si, mais je sais, quand on s'amuse, c'est dommage, mais on a le speak pipe de l'émission. Alors qu'est-ce que le speak pipe? Mehdi, je te vois là, tu me demandes avec tes yeux, c'est c'est ni plus ni moins qu'un répondeur. Vraiment, on se la pète avec un nom, mais c'est un répondeur où les auditeurs peuvent laisser des messages, partager des anecdotes. poser parfois des questions. On a une question qui, je sais, te parlera, parce que je sais que tu es un grand cinéphile, vous êtes tous un peu cinéphiles autour de la table, mais non. Cette question. Je déteste ça. Une question qui nous pose. Salut Adrien, salut Florent, salut tous les invités autour de la table. Donc, la semaine dernière, à 21 ans, j'ai eu ma première chialade de film. Voilà. Donc, c'était devant Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et je voulais savoir si autour de la table, vous aviez une expérience à raconter, soit votre première fois où un film vous a ému, ou alors récemment. Voilà, merci. Une vraie chialade, hein. Moi je demande une vraie chialade. Ouais, pas ouais. Juste m'a ému. C'est à la ouais, fois où vous avez pleuré jamais. Au cinéma. Bah alors, Gilles, c'est dis-nous. Alors, j'ai pleuré, je pisse quand je pleure au cinéma. Et ça, c'est là, c'est relou. Et ouais, c'est chiant au bout d'un moment. Non, non, j'ai eu deux fois. Une fois quand j'étais vraiment petit, genre j'avais peut-être 9-10 ans, et j'avais vu le film Le Professionnel avec Belmondo. Ah. Et la scène de fin, bien sûr, avec la musique là, ouais, et tout, ouais. Sur l'hélicoptère et tout. Ouais. Je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Ça fait longtemps. Oui, tout le monde a compris. Ouais. Et là, ouais, le moment du coup il meurt et tout, ah, et que là, et là ouais. J'ai vraiment et la musique, ouais. Je suis parti ouais. Dans un chagrin, mais genre je me suis mis à pleurer et tout, incroyable. Et la deuxième fois, c'était j'étais au cinéma, je suis allé voir Indigène. Ouais. Et le moment où je crois Roche Dizem, c'est à la maison, enfin le petit truc dans lequel il explose, ouais. Et t'as Jamel qui vient en mode il pleure. Mmh. Et là, moi aussi, j'ai craqué encore une deuxième fois. Putain, c'est ouf. C'est enfin, Dizem, pas beaucoup parce que c'est un film qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Il est incroyable. Hein. Et en fait, faut le remater, il est vraiment bien. Enfin, ouais, c'est vraiment un super film. C'est vrai. Justine. Ça va être très mainstream. On est des enfants de la pop culture. Bien sûr, c'est le paradis de la pop culture. Mais Forrest Gump, je pense que même encore, ouais, je le regarde, c'est fini. À chaque fois, quand il court et tout, c'est. Quand il est comme ça. Non, encore quelqu'un qui a très envie de faire pipi. Ouais, voilà. Non, mais quand il parle à la tombe de Jenny. Là. Ouais. Non, quand sa mère meurt, tout ça, ça suffit. Arrêtez. C'est au point où. Mon mec le regardait dans la chambre et moi je l'entendais. J'ai mis des boules qui j'ai fait. J'ai pas envie de pleurer ce soir. Quoi. Ouais, je veux pas l'entendre. Quoi. Évidemment, il t'a dit il me pleure aussi. Enfin, c'est ridicule. Je chiale pendant une semaine. Et Titanic, je crois qu'à chaque fois aussi. Ah ouais, okay. Ouais. Titanic. Il y avait la place ou pas en vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ont fait exprès. Mehdi? Alors, moi, franchement, je pleure beaucoup. Ouais. Pas forcément des chiades, mais genre, je suis assez. J'ai la larme Michette Fastoche. T'as la larme des Jawood dans le. Tu sais, c'est absolument. Juste une larme comme ça qui coule le long de la joue. Ouais, non, c'est un peu. C'est ça, c'est juste une larme. Parce que j'ai la morve aussi, enfin, ouais. C'est pas qu'il y a Jawood. Et tu parles. D'ailleurs, pas de larmes, d'ailleurs, juste la morve. Abondance, par contre. La morve avec le visage stoïque. Moins stylé. Mais alors, déjà, dans petit, effectivement, je pense qu'on a tous des traumas cinéma d'enfant. Moi, il y a un film que j'ai jamais pu finir, c'est L'Ours. De Jean-Jacques Hano. Ah putain, ouais, bien sûr. Bon, c'est au début du film, et la mort de la maman ours. Bien sûr. C'est abominable. Ouais. Genre, c'est trop, trop dur. Accident de bagnole. J'ai vu ça avec. Non, c'est un horrible éboulement de mémoire. Ouais, c'est ça. Et, mais un peu comme Bambi, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, le Roi Lion, c'est horrible. Ouais, ouais. Ça m'avait moins bizarrement. Moi, t'as pas de cœur. Non, parce que c'est le père. La mère, il y a un délire, tu vois. Moi, c'est plus quand c'est la mère. Tu vois. Avec compagnie. La patte, quand tu mets la tête sous la patte. Rien à foutre des darons, rien à foutre. Qu'ils aillent partir chez des clubs, c'est bon. On connaît l'histoire. Mais dis, ça va. J'ai envie de me livrer, je peux. On va pas se quitter tout de suite, les gars. Okay. Et après, sinon, genre récemment, je sais pas si j'ai de grosses chialades en souvenir, mais. Tous les films un peu émouvants que je vois, franchement, je vais pleurer. Ouais. Vraiment. Et je suis un peu comme ça avec ma meuf, genre. Tu sais où je mets la capuche, tu vois. Mais voilà. Mais est-ce que t'as ce truc, parce que moi j'ai découvert ça chez moi. Est-ce que tu pleures dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses? Pas voilà. Tant que ça. Et ben moi c'est ça. Pas tant que ça. Moi c'est j'ai remarqué que j'ai pas pleuré sur la mort de proche et j'ai chialé devant des films. C'est un exutoire. Non mais comme quoi ça déclenche. Oui, t'as même plus une autorisation quoi. Un peu bizarre de. Adrien toi? Bon moi. Enfin, pareil, récemment, je pense que pas plus tard que ce matin, mais vraiment pour n'importe quoi, moi je pleure. Non, mais en vrai, ce matin, mais c'était. C'est même pas un film, c'est. Je regardais la. Une pub. Non, mais moi je peux pleurer très facilement, mais après. Comme De Niro dans Mafia Blues, tu sais, qui se met à pleurer devant des pubs pour des bonbons et tout, et il se dit, ouais, je suis en train de perdre ma virilité. Du coup, il appelle un psy, tu vois. Ouais. Ah, ok, bah moi j'ai appelé un psy, mais bon. Pas pour une question de virilité, puisque bon, ça va pas bien, visiblement. Mais non, je regardais, bah, d'ailleurs, une très bonne vidéo de. C'est Insaf qui a fait une vidéo l'histoire de The Office. Oui, très bonne vidéo. Ah oui, c'est bien, il faut que c'est vraiment bien. Et juste à un moment, ils disent que c'est au moment où il y a eu la grève des scénaristes. Et du coup, la production. Normalement, dans The Office, il y a les scénaristes qui sont sur le plateau et qui participe au tournage. Et à un moment, la production a dit bon, bah, il y aura plus de scénaristes sur le tournage. Ils viennent plus, quoi, parce que je sais pas, représailles, parce qu'il y a eu la grève, je sais pas quoi. Et Steve Carell a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait l'émission. Ils viennent, les scénaristes, sinon vous me virez, quoi. Ouais. Il est pas venu. Putain. Et ça m'a ému et j'ai chialé. Voilà. Ah, mais ouais, c'est bien. Et d'ailleurs. The empathie, Office. Très empathique. Ouais, ouais, non, mais moi, il y a un truc de quand les gens font un la truc gentil. La loyauté, ouais, comme ça. C'est terminé pour moi. Ouais. Et si c'est des animaux, c'est. Là, c'est bon, fini. Là, c'est fini. Bon, voilà. Les trucs avec les chiens qui retrouvent leur maître qu'ils n'ont pas vu, c'est terminé. Le compte Insta, The Dodo. Ouais, ouais, voilà, on peut le citer. Même une deuxième fois ce matin. Une ah oui, j'ai une vidéo et il s'est fait 11h30. C'est juste inquiétant. Non mais attends, là pour tout ça, ça devait une thérapie là. Je suis un peu gêné là. J'ai aucun problème. J'ai rien à vous prouver. Non mais là en plus c'est vraiment émouvant. C'est un joueur de foot anglais qui s'appelle Ian Wright. Oui, qui a voilà et qui a il a raté un but. Il avait l'air perdu dessus. Bon, il est triste. Non, et en fait c'est un mec. Il a pris la tête dans les mains. Non, il citait un instit à lui comme son premier modèle, quelqu'un qui l'a vachement structuré quand il était petit et tout, etc. Et en gros, il y a une émission de télé, et ils ont fait une réunion entre lui et son prof, mais le truc c'est que lui, il pensait que son prof était mort. Il y a quelqu'un qui lui dit non, mais il est mort, monsieur machin et tout. Et donc, il y a un truc où vraiment le mec lui tape sur l'épaule, il se retourne et il voit son prof. Ah, okay. Et bon, c'est ultra émouvant. Ouais. Ouais. Ça va. Moi, je suis dans l'ancien. Ouais. Moi, je pensais au film, mais moi, les émissions, même des émissions, c'est mon choix et tout. Tu sais, quand il y a des trucs de famille et tout, moi, ça me la mère, pas le père. Hein. Ah ouais. Ouais, toujours la mère. Ils sont pas utiles, ceux-là. Bon, sinon, il y a une scène de The Office aussi où je vais vite parce qu'il y en a beaucoup. Le dessin? Le truc, ouais, dans l'expo, en fait, c'est quand Pam fait une expo et en fait, tout le monde y va et trouve que son taf, c'est de la merde. Alors moi le truc c'est que cette scène je peux même pleurer en la racontant, je vais essayer de pas le faire. Non mais en gros tout le monde trouve que ses dessins c'est de la merde, ou alors les gens du taf à qui elle a dit ouais je fais une expo venez, ils n'y vont pas. Oui, et en plus c'est très pervers parce qu'au début tu crois qu'elle est peut-être douée et au final tout le monde fait genre c'est pas ouf, ou alors ses collègues ne viennent pas, même son mec il vient mais tu sens qu'il s'en bat les couilles. Et donc à la fin elle est dégoûtée et il y a Michael Scott, donc le personnage de Sifal qui arrive, et lui il est hyper enthousiaste à fond, il dit c'est trop bien, vas-y je l'achète et tout, et c'est hyper touchant, je vais chialer. Et en plus c'est Michael Scott en fait. Donc, et en plus c'est ça. Et sinon, la première fois que j'ai pleuré au cinéma, c'était le premier film que je suis allé voir au cinéma, qui est un film d'animation qui s'appelle Taram et le Chaudron Magique. Bien sûr. Incroyable. Et il y a une petite créature dans le... Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une espèce de... Ouais, une chouinasse, je sais plus comme quoi. Et à un moment, alors, mon spoiler, mais on croit qu'elle meurt, l'espèce de petite créature là. Donc du coup j'ai chialé, j'avais 5 ans. Ouais. Bon, je chialerai pas plus maintenant. Ouais. T'inquiète. Donc j'ai chialé. Ouais. Et sauf qu'en fait c'est une feinte. En fait elle est pas morte. Ah, et du coup elle revit. Et du coup, après moi du coup. J'ai ri. Ah, donc j'ai ri et j'ai pleuré en même temps. Parce qu'il pouvait y avoir la rechialade du coup. Genre, putain, en fait elle est pas morte. C'était un peu, je riais, je pleurais en même temps. C'était. Mais la vie au final. C'est ça. Ma vie en tout cas. Des hauts, des bas. Et toi, oui. Moi, écoute, tu parlais du Roi Lion. Moi, pour le coup, très touché par les darons. C'est vrai que vous êtes assez complémentaires là-dessus. Ouais, mort de daron, tout ça. Et récemment, Thunder Road de Jim Cummings. Ah, ça, je l'ai revu il y a pas longtemps. Est-ce que tu l'as revu parce que je l'ai regardé ou pas du tout? Non, je l'ai pas revu. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'ai jamais revu. D'accord. Mais au cinéma. Tu disais récemment là. Non, au cinéma, je vais t'interrompre 5 fois. T'inquiète. Mais au cinéma, j'ai fondu en larmes. Et pour la petite anecdote, je suis rentré en vélo et je repensais au film et je repleurais sur le vélo, et j'ai croisé un gars qui écoutait le Floodcast ou je sais pas quoi. Ouais, Flaubert. En vélo nul, tu vois. Avec la morve qui... C'est parce que je roule vite. Vraiment ridicule. Flaubert, t'es à l'arrêt là, frérot. Oui, mais bon, il y avait une grosse descente. Tu n'as même plus de vélo en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et sinon, hors film, la dernière fois que j'ai pleuré, moi je crois que c'était ce week-end. Ma compagne était en thalasso, voilà, parce que l'accouchement c'est quand même une aventure pour une femme. J'ai vu 2-3 stories. Deux trois stories qui sont restées là. Non, elle était en thalasso avec une pote, et donc je gardais ma fille. Okay. Je gardais ma fille. Et j'ai vraiment eu un truc. J'ai mis de la musique. C'est le moment où tu essaies d'éveiller. Donc elle fait des petits cris. Et tout, elle a fait la feuille morte. Waouh, c'est fou que tu dises elle a fait la feuille morte, parce que la première chanson que ma fille a écoutée, c'est Les Feuilles Mortes de Serge Gainsbourg. Putain, mais je trouve très belle. Et la playlist en aléatoire, mais Father and Son. Alors moi j'ai une fille, mais elle m'aime Father and Son, qui est une chanson très belle. Un film, là, c'est un film là, ce que tu racontes là. Non mais vraiment. Ouais, c'est fou. Et ma fille me sourit, mais je te jure, mais aucun rapport avec la chanson, mais juste elle me sourit. Si, elle a compris, elle parle. Elle parle là. De toute façon, ma fille est zèbre. Hein, je sais pas si vous êtes au courant. C'est un zèbre. Et hyper sensible. Et hyper sensible. Et donc j'ai chialé, voilà, comme une madeleine. Il y avait toujours. Oh, et vraiment, c'est le bébé. Non, les bébés. Moi, la naissance de base, la naissance de ma fille, c'est fou. J'étais obligé de pleurer déjà, je pense. C'est genre physique. Incroyable. Il y a un truc d'adrénaline et de c'est incroyable. Mais j'ai eu le même moment, moi, dans ses premiers mois aussi, où le matin, très tôt, genre 6h du mat, tu vois. Ouais. Bon, c'est 18h pour elle à son âge. Elle est au top. Les gars, mais les anges, c'est 18h. Tu vois. Et pareil, exactement pareil, je commence à mettre de la musique et un peu différents trucs. Et je sais pas, à un moment, je mets, alors que j'écoute pas Bob Marley, mais je sais pas, à un moment, je mets Bob Marley. Et pareil, genre, il se passe un moment un peu magique, tu sais, la pièce, elle est sombre, un peu de lumière, et j'ai commencé à pleurer, puis elle commence à sourire. Et je me suis dit, ça y est, à qui Bob Marley. Le lendemain, j'ai mis ça, aucune réaction. Vraiment, c'était un moment, c'était le hasard le plus pur. Ouais. Mais c'était un moment aussi pareil où j'ai vraiment fondu en larmes, peut-être encore plus qu'à l'accouchement, parce que je sais pas, le moment était genre magique. Connexion, et j'ai eu l'impression qu'il se passait un truc. C'est une erreur. L'accouchement, j'ai pleuré 25 minutes, moi. J'ai plus pleuré que ma meuf. Enfin, j'ai vraiment. Je pense qu'il y avait un truc mental de. Tu comprends aussi en tant que mec, tu réalises. C'est ça, je pense qu'il y a ça. Et puis mine de rien, quand pendant la grossesse, alors je sais pas si c'est le cas de tous les papas, moi en tout cas c'est le cas, tu gardes beaucoup parce que elle en chie tellement. Enfin, tu vois, il y a un truc où toi, tu t'effaces un peu. Tu t'effaces beaucoup. Tu dois et même tout va bien. Tu n'es que rassurant. Tu n'es que tout va bien. T'inquiète. Ouais. T'as besoin de quoi. Enfin, et du coup, tu effaces toi tes peurs, tes doutes parce que tu rentres en jeu à la fin. Et voilà. Et en gros, le fait que d'un coup elle arrive, et même moi, je suis quelqu'un de très pessimiste, donc je le disais pas à ma meuf, mais je me disais il peut se passer plein de choses parce qu'il se passe des choses. Et là, le fait qu'elle est là, et moi ce qui m'a le plus choqué, enfin qui m'a vraiment fait beaucoup pleurer, c'est quand ils ont sorti le bébé. Donc moi j'étais, il y a une place, hein, les gars, si votre femme accouche, pour pas voir trop ce qui se passe. Ne soyez pas en face, important. Enfin, mais il y a un angle coup. Moi j'étais vraiment contre ma meuf dans l'angle. Donc je vois le bébé sortir de entre les jambes avec le drap qui cache. Et en fait ma fille avait les yeux ouverts. Et ça je n'avais pas du tout capté que ça pouvait arriver. Ouais. Moi dans ma tête, tu sais, dans les films, dans Grey's Anatomy, déjà te regardais droit dans les yeux, eye contact. Ouais, déjà sans cligner, une pression de fois. En mettant le pouce sur la gorge. Non, elle avait les yeux grands ouverts et elle pleurait, tu vois, mais elle était. Et le fait de l'avoir autant éveillé, je te jure, ça m'a détruit, quoi. J'étais vraiment en larmes pendant 25 minutes. Tu parlais de Father and Son, sache qu'il y a une version Daughter and Son de Johnny Cash. Et Fiona Apple, avec sa fille Rosanne Cash. Ah, parce qu'il y en a une avec Fiona Apple aussi. Voilà. Mais ouais, j'adore, c'est sur l'album où il reprend Hurt également. Et, on en revient à Rick Rubin encore. Oh là là, tout se recoupe. Génial Barbu. Ouais. Génial. C'est son surnom Apache. Génial Barbu. Est-ce que vous avez vu la série Dev? Oui. Parce qu'il y a un très bon épisode, sans lui, mais chez lui. Voilà. Je vous conseille. Marocco. Parce que faisons les recommandations culturelles. Je viens de voir l'heure, il va falloir que je vous lâche au bout d'un moment, il est déjà tard. Oui. Justine, quelque chose de culturel que tu as apprécié récemment, que tu as envie de partager avec nos amis auditeurs? Oui. Ouais. J'ai... Un peu trop enthousiaste, mais. Oui. Non, mais ça fait du bien. J'ai vu Dopesick. Sur Disney Plus. Jamais entendu parler. Alors, c'est avec sur Michael Disney Plus, avec Michael Keaton. Et c'est sur Batman, la dépendance qu'ont eu les Américains à une molécule antidouleur et qui a provoqué beaucoup de morts. Ouais. Et Dopesick. Dopesick. Ouais. D'accord. Je crois que c'était un mot polonais, quoi. Dopesick. Ouais. Ah, oui, d'accord. C'est une danse. La Dopesick. Alors, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Oh. Parce que si vous avez des addictions, des dépendances, etc., je conseille pas. J'en ai cauchemardé. Ah mais oui. C'est extrêmement bien fait. Genre l'addiction à se pisser dessus, par exemple. Ça peut faut éviter. Mais voilà, je recommande. Vous avez pas, c'est pas la super. Mais c'est pas comique, du coup. Oh là là, non. Non, mais je sais pas du tout. Ouais. Non, c'est pas vraiment de gens qui meurent. Hein, d'accord, c'est dramatique. Cool ça. Je sais pas, je voyais Disney. Je comprends plus ce qu'est Disney, moi, de toute façon. Il y a ça. Enfin, je suis complètement paumé. Voilà. D'accord, très bien. Chelsea, quelque chose. Ça peut être un film, un album. Non, un moi, ce que j'ai regardé là récemment, que j'ai vraiment, vraiment kiffé, c'est sur Netflix la série reportage sur Colin Kaepernick. Ouais, ça s'appelle Colin in Black and White. D'accord. Et c'est très stylé parce que déjà, ça retrace le parcours du gars. D'accord. Qui est ouf. Et il fait quoi ce gars pour les gens qui connaissent pas? Colin Kaepernick, c'est un ancien joueur de la NFL. C'est celui qui a posé le genou à terre. Bien sûr. Qui a fait, on en parlait en début d'émission. T'étais pas là, t'étais en retard. Voilà, mais tout se recoupe encore. Mais tout se recoupe. Et du coup, déjà, ça c'est fou. Vous en parliez vraiment? Ouais, je te jure. Et du coup, j'ai regardé sa série. C'est stylé parce qu'en fait, genre, c'est lui c'est le vrai lui qui raconte. Ouais. Il se tourne, il y a un écran et ça vient sur sa vie quand il était enfant et tout. Enfin, c'est super bien fait. Et puis ça parle vraiment du racisme aux États-Unis, vraiment comment c'est abusé quand t'es noir tu vis là-bas. Et du coup, bah, il y a tout ce truc de. On se rend compte l'importance du racisme bah, aujourd'hui encore, mais encore à l'époque et tout et tout. Et ça vient à lui, son parcours, sa détermination et tout, et ça m'a marqué de fou. J'ai tout fini en une nuit. Trop bien, c'est vraiment, vraiment Netflix. Putain, j'en ai pas entendu parler du tout. Non, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, y a pas, même Netflix n'ont pas fait de com sur ce truc-là. Rien. Ouais. Et c'est trop bizarre. Bah, tu vois, parce que du coup, ça. Et mais le truc, c'est pas en France, vraiment, en tout cas, peut-être ouais, aux États-Unis. C'est gros, rien. Ouais. Eh, on fait votre boulot, Netflix. Ouais. En France, ça, pour l'abonnateur de Tinder, il y a de la pub partout. Mais pour qui n'est pas si dingue en plus, celui-là. Ah, je l'ai pas maté. Des mèmes aussi, excellent. Tu penses l'inverse. je crois déceler une pointe d'ironie. Bon, bah, très bien. Bien qu'il fasse ça. Mehdi. Bah, non, mais je peux parler de la série Dev si. Bah oui, bien sûr. Tu l'as pas vu. Je pense vraiment que ça pourrait te plaire, vraiment. Bah, ah, pareil, oui. Déjà, je joue dedans, visiblement. Oui, oui. En termes de ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Bah, donc, c'est une série, c'est avec Lil Dicky, qui est un rappeur et qui se fait connaître parce que c'était un peu un rappeur, on va dire, entre l'humour et le sérieux. C'est un mec qu'on pourrait caricaturer en mode rappeur rigolo, mais en vrai, c'est pas exactement ça. Même si un peu comme Vald, bien sûr. J'y connais rien. Un peu plus que Vald. Non, il a un côté plus guignolé. Non, mais je suis aussi là pour ça. C'est un peu le genre d'équipe. Je suis là pour te. Le weirdal, un peu. Ouais, ce serait un peu. Il y a quand même un truc un peu guignolesque chez dans le rap de Lil Dicky. Même, il y a vraiment des blagues, quoi. D'accord. Mais il rappe pas mal. Et surtout, la série, c'est vraiment genre. C'est un peu genre cœur bur enthousiasme, mais dans le monde du rap. C'est-à-dire que lui joue son propre rôle. Et il y a plein de guests super connus, de Young Thug à YG au tout début de la saison 2, la 1, je sais plus, bref. Il y a deux saisons pour l'instant et c'est très court, les épisodes c'est genre 26 minutes. C'est très drôle, très très ironique. Enfin, vraiment, genre c'est Larry David en rap. Quoi. Ouais, c'est, je peux pas mieux. C'est vraiment, mieux. C'est si vous connaissez ça, Larry quoi. David, c'est vraiment ça. Autant dire que je déteste cette série. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Larry David. Je vous conseille le dernier album de Snoop Dogg car il a un morceau qui s'appelle Creep Your Enthusiasm où il rappe, enfin il sample le générique de Curb Your Enthusiasm. Voilà! Quel régal! Snoop Dogg dont on parlait également en début d'émission avec Super Bowl, c'est tout. Lil Dicky sur My Canal, voilà. Que sont, absolument. Dave, ça s'appelle Dave, pardon, son prénom. Dave aka Lil Dicky. Ouais, exactement. Pardon, c'est vraiment. C'est super. Bien. Je me demande si je l'avais pas. Je pense que. Déjà, non, c'était Aurélien Prévost qui l'avait recommandé. Non, moi j'ai demandé sur Insta, je voulais regarder une série d'enquêtes. Donc j'ai demandé sur Insta est-ce que vous avez une série d'enquête et tout. Et on t'as m'a veston, là. T'as parlé comme ça. Je t'imitais. Ah, ouais. Non, et on m'a conseillé une série qui s'appelle Vigil, V-I-G-I-L. OK. Et qui est une série qui est passée sur Arte, donc il faut aller sur le replay d'Arte pour la regarder. Il y a 8 épisodes en tout, donc c'est une mini-série quoi. Et c'est vraiment bien, je suis trop content d'avoir regardé. Enfin, j'ai pas. Alors, ça parle de quoi ? Je me réserve le dernier épisode pour ce soir, mais ça parle de quoi ? Ça parle de. Sur un sous-marin qui est en mission secrète. Avec des dauphins. Ouais, c'est ça. Avec des dauphins. Il y a un mec qui se fait tuer, non pas par un dauphin avec un harpon, mais il y a en fait, il y a un mec qui meurt sur le sous-marin. Ah, il y a vraiment un mec qui meurt, d'accord. Il y a un mec qui meurt, et du coup, il faut enquêter sur sa mort. Et du coup, ils envoient une femme flic. Enquêter sur la mort de ce mec. Au début, on pense que c'est une overdose, mais là, quand même, il faut qu'il y ait une enquête. Et du coup, bah, déjà, atmosphère très particulière dans un sous-marin et tout, donc assez cool. Et aussi, il y a l'ex de cette meuf-là qui est aussi flic et qui, elle, enquête en parallèle sur la Terre, sur des trucs qui sont plus ou moins liés à la même affaire. Du coup, il y a un truc en parallèle et tout. Trop bien, de l'enquête, bien ficelé, bien mené, avec des petits. Captain Marlowe, un peu quoi. Comment ? C'est un peu Captain Marlowe. C'est un peu Captain Marsoulo. Oh, Justine, si. Mais oui, j'ai loin du micro, mais j'ai ri. Évidemment. Non, et voilà. Et très très bien. Merci aux gens qui m'ont conseillé ça, parce qu'il y a plusieurs gens qui m'ont conseillé. J'ai installé l'appli Arte pour regarder et je regarde pas. Tu t'es régalé, comme un véritable petit plat. C'est ça, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ben moi je vous conseille, ça vient d'arriver sur le canal. J'avais pas eu la chance de le voir sur scène parce que je suis devenu père. Je vous passe. Super, le spectacle d'Hakim Jemili qui est sur My Canal et j'ai beaucoup ri. Voilà. Après. Je suis fan d'Hakim, enfin il me fait vraiment beaucoup rire sur Instagram. Il avait joué dans le film Docteur aussi, que je vous conseille avec Michel Blanc. Qui est avec un point d'interrogation. Avec un Docteur, point d'interrogation. Docteur. un petit peu le, la palmade. Docteur. Oh, docteur. Oh, docteur. Oh, docteur. D'accord. Comment, Véro, que je nettoie la salle de bain. Non, donc super de Hakim Jemili. Ça dure une heure, hein. C'est très resserré. Où il raconte sa vie de couple, d'où il vient, sa carrière de footballeur ratée. Il a joué à un très haut niveau, je crois, lui. Hein. Ouais, mais c'est... En fait, il a beaucoup de punchlines très marrantes. Après, moi, j'adore aussi sa façon de les vendre. Mm. Et Kim, qu'on a déjà reçu plusieurs fois hein, dans le podcast, mais il n'empêche que c'est très, très drôle comme spectacle. Je vous le conseille. Et voilà, ça s'appelle Super. Il a fait une... Quand il y a... Rihanna a annoncé sa grossesse, il a fait une vanne qui m'a fait chialer de rire. Il a dit, c'est le seul bébé... qui va naître sans pleurer tellement il est riche. Mais oui. Le spectacle, ça que j'adore chez Hakim, c'est qu'en fait il a un phrasé très particulier. Enfin, je veux dire, il a vraiment son rythme à lui, il a son clown comme on dit. Mm-hmm. Mais il n'empêche qu'il y a que des pure punch quoi. Enfin, ah que ouais. Tu les lis dans un bouquin, c'est aussi très très drôle quoi. Mm. La forme n'empiète pas sur le fond. Enfin, je trouve ça vraiment très bien ciselé. Oh. Tomer ciselé. Tomer, oui. Oh là là. Ah, Justine. Oh, je... oui, oui, je ris. T'as mis à des jeux de mots. Oui, ah, c'est oui, bon, c'est oui, oui. Voilà. On va vous quitter. Alors, un dernier tour de table pour savoir votre actualité. Donc, Justine, tu es avec dans la pièce un chalet à Stadt. Absolument. Deuil avec Josiane Balasco, avec aussi Armel. Josie et Armel, oui, Nicolas. Avec qui je rigole beaucoup. Bah oui. Faut que je dise les noms des gens. Bah oui, si ah, tu veux. Bien sûr. Oui, oui. Philippe Huchamp. Bien sûr. Stéphane Wojtowicz. Bien sûr. Georges Aguilar. D'accord. Et Bibi. Philippe Huchamp qui était dans plein de, enfin, qui est dans plein de films d'Albert Dupontel. Absolument, c'est qui son qui est, coach. Qui est incroyable dans le film Le Créateur. Film pas très connu d'Albert Dupontel, ouais. Mais où Philippe Huchamp a un des rôles principaux et très bon film, Le Créateur. Voilà. Je le place. Oh, bah, je le place. Tu l'as joué combien de fois ce spectacle? Beaucoup. Et là. Ben, t'as je fait crois... la centième. Ah oui, on a passé la centième avant. Ouais. On doit être. Là, on est en tournée. On va arriver. En fait, on a calculé qu'on allait à la fin, on sera à 250-300. 200-300. Et là, on doit être à la moitié. On doit être à 150. D'accord. Donc c'est là, c'est, vous faites le tour de la France, oui. Et donc l'étranger. Et vous revenez à Paris à un moment ou ouais, pas? Ouais, on revient en septembre. D'accord, très bien. Bon, sur Internet. Toutes les dates sont sur Internet. Bon, bien sûr. Mais évidemment. Gilsie. Donc bah toi, moi, tu viens de sortir deux très grosses ouais, vidéos, le voyage en Laponie. C'est ça, gros projet, traverser la Laponie en motoneige. Des vidéos qui arrivent toute l'année et tout, mais plusieurs aussi gros défis comme ça qui vont arriver aussi cette année. Ouais. J'ai pas de date, parce que même moi, je sais non, pas non, encore non, en plus. Il y a des trucs de tournée ou pas encore? Il y a des trucs de tournée pas gros encore, non. Mais c'est une prépa qui arrive très très vite là, ça d'accord. Va arriver très très vite. Okay. Et ouais, on va beaucoup bouger, on va beaucoup voyager dans le monde entier cette année. Et voilà, puis sinon ouais, pour l'instant on est sur la Pony là qui vient de sortir il y a une petite semaine. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est quand même deux vidéos d'une heure et c'est vachement bien. J'ai retrouvé Philippe Huchamp en la Pony avec toi. Qui était là tout. Il est vraiment dans tous les trucs. Il est fort. Et t'es pas sur Twitch aussi? Je suis sur Twitch, j'ai repris Twitch. T'as repris Twitch, ouais, j'ai voilà. Une petite, j'ai laissé pendant une petite presque 8 mois Twitch. Ouais. Mais ouais, je reprends chaque semaine les live Twitch. Voilà, on rigole, c'est détente. Vraiment détente. Twitch.tv/Gilsie tout simplement. Voilà, tout simplement. Gilsie partout. Parfait. Mehdi ? Moi j'interviewe des rappeurs, voilà, bah c'est ouais. Ma vie. Bah non, mais en même temps. Non, mais le code. Ça, voilà, le code effectivement sur Apple Music, le Mousecast. Et un truc aussi, normalement, si on a le droit, j'ai pas mal de soirées aussi, parce que j'anime des soirées rap. Bien sûr. DJ set, etc. Nemo, entre autres. Absolument, la dernière soirée c'était à Nantes, il était là, mais avec nous. Avec bref, la casquette avec... Floodcast sur la tête. C'est pour voilà, ça. Ça fait plaisir, ouais, présenter. Et je le fais gratuitement. Et avec grand plaisir. Je ne m'en plains pas. Ça fait très plaisir. Non, et voilà, normalement, 2022, si on a le droit de refaire la fête, il y a pas mal de soirées, notamment des festivals, donc ça c'est un peu un rêve. C'est-à-dire que moi quand j'allais en festival, je voyais toujours des DJ électro, etc., ce qui est très cool. Et je me disais, pourquoi il n'y a pas de DJ rap, tu vois, parce que j'ai l'impression que maintenant on a envie de ça en festival, tu vois, genre vers 23h, te finir avec, tu vois, des classiques. Exactement, ouais. Et du coup, là on est en train de le faire. Et on va être normalement, là on est booké sur pas mal de festivals cet été, donc c'est très cool. Trop bien. Il y a un truc un peu imposteur, genre d'être en tournée, tu vois. Quand tu n'es même pas DJ, quoi. Juste là, tu fais, est-ce que vous aimez Hamza? C'est ça ma. Je vais le rajouter. Mais on le fait, et donc voilà, ça va être un des gros trucs de l'année aussi. Génial. Voilà. Adrien? Moi, donc petite apparition dans Les Vedettes au cinéma. D'ailleurs, j'ai petit. Vous pouvez enquêter si vous allez voir le film parce que j'ai deux rôles en fait dans Les Vedettes. Oui, c'est vrai. J'ai un rôle caché dans Les Vedettes. Pas, je ne dis pas. Vous pourrez si vous allez voir le film parce que je. N'allez pas voir le film pour moi parce que vous allez être déçus, mais allez voir le film et considérez ma présence comme une petite cerise sur le gâteau. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est une apparition, quoi. Oui. C'est, voilà, mais dont je suis ravi. Attention, ouais. Je crache pas sur la cerise sur le gâteau. Mais, parce que ça risque de couler sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est un album du 113. Non, c'est un peu. Mafia Kinfry. De pas loin. On s'attend. Ah, j'ai. Non mais non, j'ai raté. Dans Rap Jeu c'est un point ça, je te le dis. Ok, donc, tu le prends, bah, là. C'est là, là tu l'aurais pris. 35 points. Non, ouais, ouais, ouais, ça dépend qui est en face. et puis je crois que non, il y a on va aller à Cérimania avec Simon Astier pour présenter Visitors. Pas mal, déjà. Donc ça va, ah ouais, donc ça veut dire que sans doute ça va sortir bientôt. Ah oui, il a fait une présentation à ce qu'on appelle le pas, j'allais dire le snow web, non, le pourquoi pas, le show web, le show web, qui est en gros qu'est-ce que c'est que ça? Bah si, c'est des petits festivals qui font les, ils le font avec des films où ils présentent des teasers, des trucs, mais là c'est avec des séries Derby Girl. Voilà. Donc en gros, tu présentes en gros ce qui va sortir dans l'année. Donc là, je sais que Simon l'a présenté ce matin au Grand Rex. Voilà. Ah. Et du coup, voilà. Donc ça veut dire sans doute ça va bientôt sortir. Bah, enfin, oui, là, j'ai pas la date en tout cas encore, dans l'année. Mais... Et puis on fera un épisode avec Simon, avec Lucas. Bien sûr. Ça sera trop bien. Et voilà, c'est tout, je crois. Voilà. Et puis quant à moi, ben voilà, toujours Oli et l'Alien en librairie. Le sketch show Divic, Mister V, la qui va sortir. Aussi. La sketch show. Ah oui, le sketch show Divic aussi. Sketch show Divic sur lequel tu as aussi travaillé. Et peut-être que quelqu'un autour de la table fait une apparition dedans. Disons pas plus, non, disons pas plus, c'est Mehdi. Et voilà. Et puis non, Adrien aussi, on travaille sur un truc. Alors on peut pas encore trop le dire, mais quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé depuis des années, même on peut le dire, depuis presque un an après le podcast, la première qu'on a lancée, on nous parlait déjà de ça. Et ça arrive lourd. Bah on peut ça arrive lourd. Si je devais vous dire si vous êtes prêt ou pas, j'ai l'impression sans que non. Pas, non. J'ai l'impression que non, pas du tout. Le pourcentage de gens prêts est minime. Ouais. Doit forcément y en avoir deux ou trois. Oui. Mais voilà. Des gens qui sont prêts à tout, mais là. Moi j'ai l'info. Les gens ne sont pas prêts. Bah voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est même, même nous d'ailleurs, on est vraiment pas prêts. Pour le coup, on est sûrement les moins prêts du lot. Hein. Non mais voilà, c'est, on vous l'a demandé depuis longtemps. Alors c'est pas le merch, ça on l'a fait. Donc là, on fait l'autre truc qu'on nous a beaucoup demandé. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. On aura l'occasion de vous en reparler. Merci tout le monde d'être venu. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.